Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Floodcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Ah oh, oui, ah. Bonjour, ah, bonsoir. C'est Skyrock ou quoi? Eh bien, c'est Skyrock. Eh bienvenue. Oui. Tu veux poser un 16? Oh, Damien. bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast après un petit mois d'absence. Alors après. Les gens étaient impatients, c'est fou. Est-ce que t'as reçu des messages, Adrien? Quelques-uns, mais ça allait. Ah, oh, moi j'ai reçu beaucoup de Peut-être messages. Peut-être qu'ils savent que je suis plus désagréable que toi, et du coup ils se tournent vers toi. Alors que. Je m'étais dit la petite photo d'un poignet avec un petit message qui indique que j'ai eu un enfant. Oui, allez, peut-être que les gens se disent. Allez. Ouf. Non. Bon, après, les gens n'ont peut-être pas les réseaux sociaux. C'est mais de la mise en scène, de toute façon. Voilà, de toute façon, je vais beaucoup les utiliser pour expliquer une fatigue. Oui. Et bien sûr, dès que je fais une erreur, je dirais. Ouais, mais là avec la petite, en ce moment, oui, elle mais ce que les gens ne savent pas, c'est que t'as l'air super en forme là. Ouais. Ah, mais moi je suis très bien. Ah non, mais alors. Ma mère n'est pas bien, mais. Je vais pas. voilà, la charge mentale. Non, mais oh, je vais pas tout de suite commencer par raconter ma vie. Après ça, j'ai acquis une maturité, ouais. comme à l'accoutumée, nous sommes invités de. Nous sommes accompagnés de charmants. Ouais, premier faux pas, ouais, ça y est. Terminé. Bah, c'est la petite, ça. Il y a le. C'est la petite. Elle fait passer nuit. Nous sommes accompagnés de charmants invités. La première, elle est comédienne et scénariste. Elle est sûrement l'actrice qui s'est pris le plus de tartes dans la gueule de YouTube. Sa parodie de Pascal le Grand Frère qu'elle a concoctée avec Valentin Jean a été une des vidéos les plus vues de 2021. Chez Bravo. Elle, le Canada est au sud et l'Australie au nord. Pourquoi? Parce que son monde est à l'envers. Génie Letellier. Bonjour à tous. Bonjour. Comédien et scénariste, vous le connaissez sûrement grâce à sa chaîne YouTube où il a enchaîné des concepts tels que les situations impossibles ou Gérald. Ma BD prend... aussi, ma BD là. On n'en parle pas. Il est surtout célèbre. Good vibes only. Je vous rappelle que One Life, on n'a qu'une vie. Hein. C'est vrai. Je dis tout de suite. Il est surtout célèbre pour nous faire une story quasiment quotidienne pour nous inviter à utiliser Spotify. C'est Spotify, Léopold. Tout le monde l'utilise. C'est fou que tu prennes de l'argent pour ça. Ouais, c'est terrible. Bah évidemment, c'est sponsorisé. Sponsorisé pour qu'on utilise Spotify. Et Valentin, il l'a fait gratos. Ah bah il est vraiment con. Valentin est complètement con. Bon, en tout cas, Valentin, si tu nous écoutes, t'es stupide. Ouais, il me l'a pas dit. Ah oui, il a menti. En tout cas, c'est Léopold le Marchand. Bravo. Faire une story sponsor gratuit. J'espère que c'est faux parce que je sais pas si c'est un peu sponsor, mais c'était en mode genre mes musiques préférées, c'est ça? Non, mais il a mis ça. Ah non, mais ça c'est le Spotify Wrap. Oui, mais ça c'est pas sponsor. Non, ah, mais c'est vrai que moi je l'ai fait en moi, étant payé, mais lui ça. Il l'a fait pas. comédienne et scénariste. Alors, elle est arrivée un peu en retard, mais c'est bon, elle est avec nous. C'est un peu la tante de YouTube. On a envie qu'elle nous serre la joue et qu'elle nous offre un petit chèque pour nos étrennes. C'est Natou. Bonsoir, je suis Natou. Je suis pas du tout en retard, je suis là. La licorne là. On a cru qu'elle était en retard. C'est la licorne. La licorne, c'est moi. Tu sais danser ou pas? J'ai des chiens, ouais, avec un verre sur la tête. Non, tu sais pas. Ah, je sais pas danser. Si, elle a un petit peu avec un verre sur la tête. Je pense que c'est pas la vraie Natou du coup. Non, non. J'ai une frange, ça c'est bon. Est-ce que tu twerk ou tu le fais avec une autre partie de ton corps par exemple? Le dos. Ah oui, c'est ça. Oui, voilà. Ah oui, c'est bon, chez elle. Tout ce qui est le dos. Les noms de tes chiens? Mes chiens. Jean-Louis et Pépère. Lola et Kitty. Wow, oh, bien joué. Je vois qu'on t'applaudit pour connaître le nom de tes chiens. Ah oui, voilà, non, attendez, mais c'est bon. C'est elle a passé le test de la vraie nature. Peut-être elle-même. Fleuron des quartiers phocéens, coincé entre la gare et le vieux port, il n'est pas le plus à plaindre, à domicile comme à l'extérieur. Il sévit sur les cafards comme le bégon. D'où il sort d'une ronde, Bell Zones, Break It Down, c'est Adrien Méniel. Ah oui. Je m'en régalais. J'espère, c'est toujours la petite surprise. Moi j'ai la ref. C'est qui chante ça? Bouga. Ouais. Bien joué. Les gens disent I am des fois. Ah ouais? Et pourquoi ils disent I am? Parce qu'ils sont stupides. Déjà, et racistes des Marseillais. Mais parce que en gros, c'est dans la BO du film Comme un aimant. Absolument. Réalisé par Akhenaton. AKH. AKH. Ah, Florent, merci pour tous ces éléments. Merci pour les intros, parce que t'es quand même papa et tout. Tu dors pas beaucoup. Je c'est pense vrai. Qu'en tant que Natou, j'ai envie de te dire bravo pour tous ces petites, petites intros. C'est quand même bien. Merci Nathalie. Je suis Natou. Merci Nathalie. Ça lui a pris 5 minutes. On commence comme à l'accoutumée par les news du Floodcast. Un mannequin d'Instagram, peut-être l'avez-vous vu passer, accuse Drake d'avoir trafiqué. Oh, ah, tu l'as vu, Adrien. Ah oui, j'ai vu le truc du sperme. Ah bon, bah il reste le truc du sperme, il reste Natou et Léo. Ah, et Léo. C'est pas ça? Alors attendez. Ah non, je connais pas. Un mannequin d'Instagram accuse Drake d'avoir trafiqué un préservatif avant de coucher avec elle. À votre avis, qu'aurait-il fait à ce préservatif? Bah du coup, je dis pas, je sais. Eh, tu sais. Ah? Il a. Ouais. C'est ça? Non, il a... enfin, c'est juste. Qu'est-ce qu'il a fait selon vous? Faut plus faire des propositions. Il a trafiqué que roter, en fait. Un préservatif. Il a trafiqué un préservatif. D'ailleurs, les gens ont détesté que tu rotes autant dans le podcast de mon le anniversaire. Podcast de ton anniversaire. Ouais. Les gens ont à ce point-là? Ouais. Tu sais que la BD, la 2, là, elle s'est pas vendue de ouf. Non. Beaucoup lié à ça. Un vrai fiasco. Ouais, okay, d'accord. Ce sont tous des vraiment plein sur les podcasts. J'ai vraiment mis en question. Ouais, s'il te plaît. Bah, donc, qu'est-ce qu'il a fait selon vous chiant, à ce préservatif? Alors, c'était un sachet king size, mais il avait mis dedans une capote plus petite bite. Il voulait faire genre. Non. Alors, je peux peut-être vous aider un petit peu. Enfin, il le fait des fois, ça. Oui, c'est vrai que. Oui, t'as fait 2-3 ça avec lui. Ouais, tout à fait. Il a fait quelque chose pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Voilà, petit indice. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait à cette Il a rebouché les trous qu'elle avait fait en amont dans la capote. Non, déjà, normalement, le truc, c'est de mettre la capote. Normalement, le truc à faire. Déjà, bon. Il en a mis plusieurs. Alors après, il aurait fait ça. Je comptais le dire après. Je comptais dire que c'est potentiellement une fake news. Ah mais il a dit oui. Ah ouais, je crois. Mais non. Moi j'ai vu que des trucs où il disait on sait pas trop, machin et tout. Attends, ah ouais. C'était dans quelle intention? De pas avoir d'enfant. Que la meuf ne tombe pas. Il a utilisé une autre bite. D'un pote, non, peut-être. Ça dit, moi je pense que c'était aussi pour la piéger. Tu penses que c'était pour la piéger? Je pense que c'était pour la piéger. Je pense que c'est pas la première personne à qui il fait ça. Non mais la piéger. Cette fois. Comment ça? Attendez, vous savez quoi, on va dire la réponse. Non, mais on va dire la réponse, parce que de toute façon, on a d'autres questions derrière. Adrien, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Il a mis de la sauce piquante sur la capote. Dans la capote. Oui, mais dans la capote, moi j'ai pas compris. En gros, il a changé le sperme par du tabasco. Il a pas changé, il a fait genre qu'il avait joui et il a mis du tabasco. Mais attends, mais dedans. Il est foilier, pourquoi? Non, mais attends, pour quoi? Pas que la meuf, parce qu'en fait, quand tu couches avec une star, tu veux potentiellement avoir un enfant. Elle garde le sperme, genre? C'est ça. Pour le dire en mode. Ah, mais non, je pense qu'il a rajouté de la sauce piquante dans son sperme. Oui, je pense qu'il a ajouté quand même. Il a mélangé les deux. Non, mais sinon, le mec. Ah, mais la sauce piquante. Il a fait une cuisine, quoi. Il a cuisiné. La sauce piquante, ça annule le sperme. Pourquoi il a pas mis la capote dans sa poche? Ouais, garde la capote en fait. Je sais pas. Garde la capote comme. Mais oui, alors c'est ça. Moi, je pense que c'était pour la piéger dans ces cas-là. S'il l'a laissé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Apparemment, Drake est le mannequin. Pour qu'elle essaye, tu veux dire? Ouais. Apparemment. Les scientifiques qui disent écoutez, c'est du tabasco. Apparemment, Drake. Sperme du tabasco. D'un Drake mexicain, peut-être. Ouais. Je suis Natou. C'est vrai que tu peux faire tous les débats que tu veux, ouais, Natou. C'est bien. Ouais, c'est bien. Apparemment, Drake et le mannequin se seraient rencontrés sur Instagram. Après une fête, il serait retourné à son hôtel pour fumer de l'herbe. Oh, alors, ouais, bah, c'est illégal, par contre, non. Ça fume, ça, c'est trop. À l'époque, si, ils peuvent. Enfin, à l'époque, dans leur pays. States, ah oui, c'est légal. En Californie, oui. Elle rapporte qu'il voulait absolument s'assurer que les choses étaient consensuelles. Ils ont commencé par un peu de préliminaire. Il est ensuite allé aux toilettes et en est ressorti avec un préservatif. Ils ont fait l'amour pendant environ 20 minutes. La chance. Immédiatement c'est pas vrai, ça. Oh, comment c'est long. Immédiatement après, il s'est retourné dans la salle de bain pour jeter le préservatif. Alors attention, ça se complique. Elle a récupéré le préservatif dans la poubelle et a mis un bout dans son vagin, dans l'espoir de tomber enceinte. Ah oui, de Drake. Il a bien fait, quoi. Elle a eu une sacrée surprise, nous dit l'article. Ah, elle donc, a dit que oui. C'était comme verser de la lave chaude dans sa chatte. Elle a crié et Drake là, a couru. Ça va. Oh. Elle a pas testé, je pense. Je pense que ça brûle plus. Toi, tu sais mis des trucs dans ta chatte Oh là là, oui, j'ai essayé. Et moi, on me demande pas en tant que femme, ça t'intéresse pas. Ah oui, merde. C'est, tout est pour génie. Désolé, quoi. Mais Et donc, Drake a couru dans la salle de bain. Il a admis qu'il avait versé un paquet de sauce piquante dans le préservatif pour tuer le sperme. Et il a bien fait. A maintenant, le mannequin menace de poursuivre Drake en justice. Mais c'est génial quand même que. La meuf a aucun problème à dire. Alors bon, moi, naturellement, j'ai pris la capote, ouais. Je l'ai retournée dans mon vagin. Pour... Et mais elle attendez, a pas porté plainte. Bah, si. Ah ouais, il a hyper bien fait de le faire, mais je porte plainte. Ouais. C'était exactement le bon move, mais j'ai un peu le seum. Moi, je me demandais surtout où est-ce qu'il a trouvé cette petite sauce piquante. Est-ce qu'il se travaille toujours avec sa sauce piquante sur lui? Bah, j'avoue, pourquoi il a pas juste pris le préservatif dans sa poche? Ou jeté dans les toilettes? Il est allé dans les toilettes. Ou alors il n'est pas humain. La planète, non. Ou alors tu le vides. Ça se trouve, il sperme de la sauce piquante et il assume pas. Il a dit, j'en ai mis dedans après. Non, mais. J'en ai mis dedans après. Est-ce qu'il a des enfants? C'est ce que dit Jenny. Il voulait la piéger. S'il a vraiment fait ça. Mais c'est incroyable. En fait, je trouve ça horrible. Je suis Natou. Je trouve ça horrible l'idée de coucher avec quelqu'un, mais en se disant. C'est quand même le genre de personne qui va essayer de tomber enceinte. Bah, comment tu peux. Ça a duré. Bah, moi, je coucherais pas avec elle, du coup. Peut-être quoi. Qu'elle lui a dit. 20 minutes, hein, ça a duré quand même. Donc, moi, elle lui a dit, bah, dans les 20 minutes, t'as le temps de lui dire. Bon, moi, j'aurais trop couché avec elle, je pense. Après, les stars, voilà, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Ah, t'as dit les stars ? Les stars, c'est un monde quand même. À part. C'est vrai. Une toile a été vendue 23 500 euros. À votre avis, quelle est sa particularité ? Un NFT. Elle est invisible. C'est pas un NFT, elle est pas invisible. Elle est, il y a rien dessus. Il y a pas rien dessus, il y a plein de choses dessus. Est-ce qu'il y a des trucs genre du sperme, du non. Je suis non. 23 000 euros, t'as dit ? 23 000 euros, 500. 500. Et ce n'est pas du sperme. Est-ce qu'il y a de la merde ? Non, ni de la merde. Est-ce qu'il y a 23 000 euros, 500 en billets ? Non. Oh. Intelligent. T'es un génie pur. Bah après, c'est vraiment con de la part du peintre, enfin ouais. De l'artiste, parce qu'il se rembourse juste. Oui, qu'il l'a pas vendu très cher du coup. Ouais, ouais. Zéro plus-value. C'est une étoile filante, mais qui revient tout le temps. Sur une peinture. Ça n'existe pas. Ah, c'est sur une peinture. Bon, allez, folle alliée. C'est le tabasco. Le tabasco, ça. La lave. T'as de la lave dans le cerveau. Oh. Allez. Non. Alors, vous cherchez ce qu'il y a sur le truc. C'est plus ce qui l'a fait. Vous cherchez la toile, ce qu'elle a. Hitler. Alors en fait, Hitler n'a pas peint cette. Bah, il était peintre. Hein, c'est vrai qu'il était peintre. Mais... et pas si mauvais. Qu'en disent les rageux sur Hitler. Bon, putain, mais j'avais compris une étoile. Ah non, encore une toile. Là. Ah non. Je crois que c'était une étoile du coup, peintre. T'as un univers et je pense qu'il est pas l'endroit. À mon avis. Ça aurait marché mieux avec monde que univers. Oui, c'est vrai. Un synonyme, ça marche. Ok, bon, maintenant je peux jouer. C'est une règle de comédie. Un synonyme, ça marche. Moi, je trouve que ça marche pas, Léo. C'est une célébrité ou pas ? Écoute, personnage historique. Hein ? Personnage historique. Pas un personnage célébrité. Historique. Célébrité ? Pas une célébrité. Enfin, c'est devenu une célébrité suite à. Un animal. Très très bien vu, Adrien. C'est un chien ? Pas un chien. Coco. Le gorille. Coco le gorille, non. Coco le singe de Coco Pop. Est-ce que c'est un singe ? Non, non plus. Ah, c'est pas l'éléphant maltraité là ? Non. Un chien ? Non, alors c'est rigolo. Ah, c'est un animal maltraité, tout à fait. Oui, je sais, mais je voulais alors, être sûr. Sachez, c'est rigolo que tu parles de singe, Adrien, parce qu'en gros, effectivement, cette peinture qui a coûté donc 23 500 euros a battu le record de la peinture peinte par un animal, d'accord ? En termes de prix à laquelle elle a été vendue. Et avant, c'était effectivement le chimpanzé Congo, il s'appelait Congo, qui avait fait une peinture avec ses mains de singe, hein, donc, et qui avait été vendue aux enchères 20 000 dollars. Donc ça a battu le record de Congo. Et d'ailleurs, aux dernières nouvelles, Congo est très deg. Ouais, ouais, Congo il est là. Genre, ouais, mais il est dans le NFT maintenant, donc ouais, il est blindé maintenant. D'ailleurs, je pense que la plupart des NFT sont effectivement dessinés par des singes, vu qu'ils sont tous immondes. C'est la particularité. Mais alors, petite parenthèse, qui a décidé que les NFT seraient dégueulasses ? Je sais mais pas. En fait, chacun ses goûts. Hein. On dirait qu'il y a une règle. Il y a un tribunal des NFT, ils disent bah non, ça ne ressemble pas à un skateboard de supermarché, donc non. C'est vrai qu'on dirait. On ne valide pas. Tous les vendeurs de Citadium, leurs t-shirts. Des NFT pour moi. Non mais c'est vrai que c'est dégueulasse. Là j'ai vu Evie qu'il a une, il a le singe dégueulasse là en NFT. Le sien est pas mal. Non, évidemment que non. Il est immonde. Après parlez pas comme ça du pote de Natou. Enfin je. Oui, je suis Natou. Bon c'est un animal qui a fait le buzz sur internet. Mais non c'est mais pas oui. Un animal du coup. Si si c'est un animal. C'est quand même un animal. Rien. Je comprends c'est tout le monde te gifle le génie bordel. C'est fou! Il a dit que la balade. Ah! C'est tu n'écoutes rien! Mais si, mais jamais! Ah bon, c'est bon! Okay. D'accord, Bourville, on dit que c'est un animal! T'es devenu Bourville! On dit que c'est un animal! C'en est un! Le chien de The Artist! Pas le. Non, non mais c'est un, est-ce que c'est un animal qui a fait le buzz sur internet? Oui! Mais quand tu le dis, j'ai un peu honte, on dirait une chronique un peu. Nos amis, les animaux! Un animal qui a fait le buzz sur internet! C'est pas un oiseau? Non, c'est pas un oiseau. Attendez, est-ce qu'il y a alors pas Natou, mais une invitée surprise qui va arriver et qui me demande le code. En happening. Pas Natou, Yotis Pasco. Paul le poulpe. Non, c'est pas un animal célèbre. Hein. Un animal aquatique. Il a fait le buzz. Crazy Frog. Attends, non, il a fait le buzz en faisant ça. Pardon, il a pas fait le buzz avant. Excuse-moi, pardon. Je croyais qu'il était connu d'avant. Non. D'accord. Un chat. Sophie. C'est pas, non. Est-ce que c'est un animal terrestre ? Non, pas un animal. Si, oui, bien sûr. Un animal terrestre. Bien sûr, bien sûr. Un animal qui, je peux vous donner un petit indice, se mange. Serpent. Premier truc, c'est le premier truc. Une poule. Non. Vache. Une vache avec un pinceau avant. Sur la queue. Un quoi ? Une vache avec un pinceau non. Sur poule, la queue. Une poule. Non, pas une poule. Le loup. Un cochon. Oh. Très bonne c'est réponse. Un cochon connu, un cochon qui a fait ah ouais, le buzz. Bah, il a fait le buzz en baignant ça. C'est c'est pas la première fois qu'il y a des artistes qui s'avèrent être des porcs. Oh waouh! C'est dans ta gueule, Polanski! Polanski! Oh oui! Oh, on revient je fort suis pas, en 2022. Je suis pas d'accord, j'adore Polanski, je suis Natou. Alors, il y a un petit truc en plus. À votre avis, comment s'appelle ce cochon, sachant Babe, qui a un petit jeu de mots? Pig Casso. Oh oui, oh bravo. Là, incroyable. C'est lui qui l'a mis en scène. Pig Casso, exactement. Oh, je suis trop fier. Âgé de 6 ans. C'est mon premier sourire de la semaine. Âgé de 6 ans. Elle marche sur les traces de l'artiste qui a inspiré son nom et pour cause l'une de ses toiles baptisée Sauvage Picasso libre. Qui était un porc d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, oui. Et alors, je vous invite à regarder la vidéo de Manon Bril. Ouais. Happening. Alors, du coup, c'est qui? Alors, je sais pas, parce qu'il y avait Natou qui était là depuis le début de l'émission. Natou, je me fais passer pour toi depuis tout à l'heure, donc il faut qu'on fasse genre, il n'y a pas de différence. Ils ne verront pas. Il faut qu'on fasse un peu la voix de. Ma phrase, ma voix qui vient d'arriver. Ah, mais on ne parle pas longtemps. Tu fasses la voix d'Aurélien et que tu transitionnes vers ta vraie voix. Oui, alors. J'avais un truc coincé. Le Père Noël est avec nous. Ça, c'est ce casque est très grand. J'ai bu un verre de Coca-Cola et ça va mieux. Ah, elle avait un chat dans la gorge. À l'époque, c'était vu comme un médicament au début, le Coca-Cola. Oh, c'est vrai. Oh là là. Petite info de... J'aimerais qu'on remercie pour nous avoir sauvés Aurélien Prévost. Et oui, depuis le début, c'était Aurélien Prévost. C'était qui se faisait passer pour Natou. Vous vous êtes fait avoir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Aurélien? Je crois que t'es dans la pièce d'à côté. Je retourne travailler. Merci, Aurélien. On peut te retrouver, je crois, tous les jeudis. Au théâtre? Non, au Starbucks de Saint-Laz. Starbucks de Saint-Laz. Mais tu fais un spectacle ou juste tu consommes? Je consomme, mais squatte, je consomme peu. D'accord, très bien. Bon, merci, on peut encore l'applaudir. Merci beaucoup. Va-t'en, t'es pas invité de base. Hein? Quoi? Mais d'où? Je t'invite à approcher un tout petit peu ton micro de ta bouche, Nathalie. Merci d'être venue, si, tu as couru. Si Natou, tu veux partir, je suis à côté, je peux te rendre. C'est un truc. Quand j'aurais envie de faire pipi ou quoi? N'hésite pas. Bon, en fait, je suis désolée, mais je suis allée voir une copine qui vient d'accoucher. Son nom horrible n'a pas arrêté de me péter dessus. Attends, c'est pas. Affreux, c'est pas Clara, joufflu. Parce que c'est vraiment. C'est... Si, si, si, ah, d'accord. C'est ça la blague. Ah, pardon. Ah, elle t'a pas dit que c'était moi? C'est moi le père. Ah, c'est toi le père. Oui, Nathalie. Ah, merde. Mais c'est fou, j'ai fait des post et ouais, tout. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble en plus, c'est fou. 6 ans et demi, c'est logique. Elle t'a parlé du profil que j'ai vu sur une application de rencontre. Quoi? Où le mec te ressemble de ouf. Ah, yeah, non, elle m'a pas dit. C'est peut-être moi, cela dit. C'est ça qui est un peu gênant. Je pensais que vous n'étiez pas ensemble. Je vous montre la photo. Ah, je t'en supplie. Adrien n'est pas d'accord. Adrien n'est pas d'accord. Non, mais. Adrien n'est pas d'accord. Ah. On mettra je évidemment. Je vois. Il se ressemble beaucoup moins que le mec dans la pub en Oui, il faut pharmacie, continuer là. À faire des trucs visuels pour le podcast. C'est ah top. Oui, ah je vois. Il y a oui, un gros nez. Un frisé avec un gros nez. Il y a surtout un gros nez. C'est vraiment ça qui fait. Donc Nathalie, on parlait d'un porc qui s'appelle Pig Casso qui peignait des poils. Ok. Voilà, t'as raté ça. T'as rien raté, tu vois. J'imagine que t'es dégoûté. Mais vous avez commencé depuis combien de temps? Une petite quinzaine de minutes, ouais. Bon, non, ça va, vous t'as pas. Vous pouvez tout refaire? Non. J'adore l'intro avec les petites news, les jeux et tout, là, votre On n'a pas raté beaucoup. D'ailleurs, j'allais poser une question. Est-ce que vous avez déjà décelé des comportements un peu humains chez des animaux, chez vos animaux? Bah, Nathalie, c'est bien, tu viens d'arriver avec tes chiens. Ah, bah voilà. Est-ce que des fois, tu te dis qu'ils comprennent ce que tu dis ou des choses comme ça? Je pense qu'elles me manipulent. Ah ouais? Oui, carrément. Oui, très ouais. Clairement. Elles font genre d'être très très mignonnes et je leur cède tout ce qu'elles veulent. Ah ouais, mais elles te. Comment dire tu sens un plus de mignonnerie quand elles ont besoin de quelque chose? Quand elles te demandent quelque chose? Bah, en tout cas, ça va vraiment se faire comprendre. Genre, si elle veut se faire caresser, elle va venir mettre sa tête sous ma main et être très insistante, ne pas lâcher l'affaire. Un humain fait ça aussi. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Oui. Tu sais que c'est une théorie, parce qu'en fait, je viens d'être père. Je sais pas si je vous en ai. Elle a l'air fatiguée. Ah, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. Et puis, les nuits, c'est fou. Enfin, bon, bref, ça change la vie, ça, je vous le dis. Et en fait, apparemment, les bébés, l'évolution ferait que les bébés sont devenus mignons parce qu'en gros, pour qu'ils survivent, quoi. En gros, que c'est un truc d'évolution. Des bébés pour que les parents s'en occupent. Parce qu'avant, les bébés n'étaient pas mignons. Alors pourquoi les bébés moches pourquoi les bébés moches survivent alors? Il en existe encore. Il y en parfois. A quand même beaucoup. Tout à l'heure, justement, on en parle. Non, mais j'ai vu comme... un bébé immonde. Un véritable monstre. Elle est sublime en plus. Elle est sublimissime. Adrien, toi avec ta petite chienne? De femme. De femme. Enfin, le génie. Non, mais non. Pas. Enfin, mais non. Avec ton petit animal de compagnie. Pas vraiment. Enfin, rien qui me vient. Il y a juste un truc moi qui me fascine, c'est que qu'elles comprennent le quand je lui dis non, mais dans plein de contextes différents en fait. Et je me dis putain, elle comprend. Le enfin je sais pas comment c'est une relation quelconque. Non mais c'est non même je le dis doucement quoi genre elle veut faire un truc ou elle va faire un truc et je dis non et elle comprend. Par exemple si elle croit qu'on va sortir, c'est ça qui est en fait. Par exemple si elle est en train de bouffer un truc qu'elle a pas le droit, je lui dis non, elle comprend qu'elle a pas le droit de le faire. Si on est en train de se promener, elle veut aller dans une direction, et c'est pas là où je veux aller, je lui dis non, et elle comprend que c'est pas là où je veux aller. Si je mets mon manteau et elle vient parce qu'elle croit qu'on va sortir, je lui dis non, et elle comprend. Non, mais elle comprend devient, les noms, quoi. Ça devient un concept qu'elle comprend plus qu'un mot, quoi. Elle est pas problématique, un nom est un nom pour elle, c'est quoi. Ça, ouais, c'est ça. J'avoue. Elle est pas comme c'est les mecs en boîte de nuit. Ah, les meufs. Ouais. Merci. C'est salaud. Toi, Léo, t'as pas d'animal. T'as eu des animaux quand t'étais petit, toi? Ouais, j'ai une chatte qui s'appelait Pénélope. Oh. Et j'ai un hamster qui a eu une tumeur au cerveau qui est mort très rapidement. Il s'appelait comment? Mozart. Oh, grosse merde. Ouais, c'était pour faire mon intéressant. Il faisait un peu de musique. Bah, il faisait des concerts. Bon, allez, stop. Bah si c'est très bien. C'est très moins affreux que la fois où t'as dit que ma fille était laide à crever. Mais je ne savais pas que c'était ton enfant. Oui, c'est vrai. Et toi, Jenny? J'ai adopté un chien. Mais c'est trop. Jenny, carrément. Sur ton front, on m'entend très bien, non? On t'entend bien, on t'entend. Tu veux juste que je te frappe? Ça m'agace. Parle-en de ton chien, la merde. Tu nous fais chier. Arrête enfin. Alors moi j'étais vraiment pas pour adopter un chihuahua, et puis en fin de compte je suis tombée sur Charlie. Bah je suis pas tombée dessus. C'est un chihuahua. Ouais, ok. C'est un petit chihuahua chocolat. Trop mignon. Mais je comprends pas parce que tes parents avaient déjà un chien, ça te suffisait. Enfin, il est tellement mignon le chien de tes parents. Je le vois jamais. Alors, mignon. Je l'ai vu une fois et il a failli me bouffer. C'est pour ça que elle a dit tout l'inverse de ce qu'elle pense depuis le début. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était venue chez moi à la porte. Pour faire des petites photos. Et je gardais le chien de mes parents qui déteste les gens. Tous les humains. Tu t'es trompé là. C'est les gens chiants, les gens. Ah oui. Okay, et du coup elle a aboyé mais tout le long. Non, elle aboie, elle se met en recul, elle aboie. Elle est trop chiante. Une merde. Ouais. Et donc la petite Charlie, pas du tout. Elle est beaucoup plus sympa. C'est un mâle. Ah pardon, le petit Charlie. Il a peur. Pour bébé l'instant. Charlie d'ailleurs, appelons-le comme ça, je pense. Ouais. C'est bébé Charlie. Il a peur des chiens, donc il faut que je lui fasse rencontrer. Est-ce qu'il a quel âge là? Il a 3 mois. Ah oui, donc c'est vraiment un tout bébé. Il est tout bébé, il est tout mignon. Ouais, je l'ai écrasé 2 fois. Ah, quoi? Mais pourquoi? Bah, sans faire exprès, j'ai roulé dessus. Un jour, j'ai tué un oiseau en dormant avec lui. C'est l'oiseau que t'avais sauvé? Oui, j'avais sauvé un petit oiseau en Irlande. J'étais mais dans une famille d'accueil déjà, et tout. C'est plein de germes, les oiseaux, vraiment, c'est immonde. Mais parce qu'il était blessé, du coup, je l'ai ramené dans ma famille d'accueil en Irlande. Et on l'avait appelé Lucky parce qu'il était chanceux d'être tombé sur moi. Et du coup, première nuit qu'on passe ensemble, je lui ai dit Lucky, il va dormir au creux de mon cou, comme ça, comme si j'étais son petit nid. Et le lendemain matin, je l'ai retrouvé le plat comme crème, les ailes en croix. Ah, et c'était un traumatisme. Ah, je pensais horrible. Que tu l'avais vu. Je pensais vraiment bien fait. Ouais, mais il y avait des adultes qui auraient dû te dire ne dors surtout pas avec cet oiseau. Mais peut-être l'écraser. Qu'ils s'étaient dit mais jamais elle ferait ça. Elle a quand même déjà 13 ans cette femme. Ils n'étaient pas au courant que tu le faisais. Ah merde, quelle horreur. C'était horrible. On embrasse Lucky qui doit bien se marier là-haut avec Coluche et des proches. au Texas, une femme a trouvé la. Attends, pardon, non, j'allais dire. On parle d'animaux, parce que je ne l'ai pas mis en question, parce que je pense que tu l'as reçu, Adrien, aussi beaucoup. Est-ce que vous avez suivi cette histoire en Inde? On parle souvent dans le podcast des singes violents. Il y a eu non, des je guerres. Pas, je ne l'ai pas eu, je crois. Tu l'as pas eu? Bon, je vous en parle quand même. Les singes qui kidnappent? Voilà, en fait, c'est des singes. Il y a des guerres entre les singes et les humains en Inde. Et ils tuent. C'est un film. Ils ont tué déjà. La planète des singes, tout simplement. Ils ont tué des humains. On en a déjà parlé dans le podcast. L'adjoint au maire de New Delhi. Incroyable. Et récemment, un petit village. Comment ils tuent? Oui. Bah, en gros, la drummer là, ils l'ont coursé sur des toits et le mec est tombé du toit. Ouais. Mais c'est horrible. C'est horrible. Attendez. Alors, on se plaint des pigeons à Paris. Remplacez les pigeons par des singes ultra violents et vous verrez la chance qu'on a. Les singes très sympas la première heure, je pense. Si on remplace les pigeons par des singes, ensuite une catastrophe. C'est marrant. Ah, ils m'étranglent, allez, c'est terminé. Au McDo, tu sais, déjà qu'il y a des pigeons qui viennent te voir, un putain de singe qui chope la gorge. Très intelligent, du coup. L'histoire qui s'est passée en Inde est terrible. Il y a un petit village, ok, où il y avait un chien. Et le chien a bouffé un bébé singe. Donc là, tu dis, salaud chien, il a bouffé un bébé singe. Pas cool. C'est sa nature. Ce qui s'est passé, c'est que le chiffre est de 2, hein, ont vu ça. Et ont tué 250 chiens du village. Oh, c'est, La vengeance. Mais non, mais c'est horrible. Alors, je vais 250. Vous dire, le chiffre est 250. Je vous raconte un petit. C'est vraiment un truc de mafieux, quoi. Mais oui, non, vraiment. Mais... Alors, sachez que les singes ont été capturés, d'accord. Ils ont été foutus au loin. Ils les ont décapités, bien sûr. Évidemment qu'ils les ont tués sans aucune forme de procès, tu penses bien. Non, mais alors, apparemment, c'est vraiment devenu une espèce de guerre des gangs, pardon. Bah ouais, c'est horrible. Selon un villageois cité par Annie, donc Annie, c'est l'agence de presse indienne, relayée par le Guardian. Pas le Guardian, pardon, et la gardienne de chez moi d'ailleurs. Ouais, ouais. Les deux singes se vengent régulièrement. Ils amènent les chiens vers des hauteurs et les jettent en contrebas. Mais qu'est-ce que c'est que ces racailles? Nettoyez-moi ça! Karcher! Saloperie! Ah, d'ailleurs, en parlant de Karcher, vous avez vu que apparemment Valérie Pécresse utilise vachement le mot Karcher dans ses discours. Ah ouais? Et Karcher lui a demandé officiellement d'arrêter. C'est très drôle. Bah, ouais, merci. Karcher n'hésitez pas à nous sponsoriser du coup. Avec voilà. Grand plaisir. Selon les locaux. Aussi, il me semble. Non, non, c'est pas l'inverse, c'est Valérie Pécresse qui a dit à Gims ne me. Non, Gims c'était ah oui, le Gims. Soutien de Valérie Pécresse. Et elle, a dit, ouais. Elle a dit non, non je ne le connais pas. J'ai vu ça. Qu'est-ce que. Si, si. Donc, selon les locaux, il n'y aurait presque plus de chiens dans le village. D'accord. Suite à ces 250 c'est morts. Horrible, hein. Alors, les flics, enfin, les autorités ont tenu à tempérer quand même les accusations de vengeance des singes après la mort du bébé. En revanche, ils reconnaissent que les animaux sauvages se sont bien montrés agressifs. Ils disent nous n'avons aucune preuve pour confirmer ces théories, c'est un comportement animal et nous n'avons aucune certitude pour expliquer pourquoi ils agissent ainsi. Et selon certains médias indiens, les chiens ne sont pas jetés des hauteurs mais plutôt laissés sur les toits et condamnés à mourir de faim ou de soif, ce qui est totalement terrible. Mais c'est très malin de leur part en plus. Et le service des forêts locales malin comme un singe. Oh, comme un singe assassin. Malin comme un singe assassin. Assassin. Oh, un assassin. Ah, le titre de l'épisode. Le service des forêts locales a confirmé que les deux animaux seraient réintroduits dans une forêt aux alentours. Voilà. Mais moi j'avais vu une vidéo d'un singe qui kidnappe un enfant. Ah oui, bien sûr. Vous l'aviez vu cette vidéo? Comment? La vidéo d'un singe qui kidnappe un enfant. Il essaye de le kidnapper. Ah, le petit qui est à vélo là? Oui, il arrive à vélo. Non, une mini moto, je crois. Une mini moto. Il arrive. Le singe arrive en mini moto. Bon, mais je pense qu'il a. Il essaye de choper l'enfant. Mais oui, c'est le singe comme mini moto, c'est pas l'enfant. Oui, oui. Oui. C'est incroyable. C'est horrible de voir ça et de se dire, ok, un jour ils vont nous tuer tous. Vraiment. On pourrait faire un film sur ça, tu sais, où ils prennent le contrôle de la planète. Quoi. Ah, ce... ah ouais, ah, ouais, ouais, ça avait pas été fait. Avec les machines aussi, genre. Ouais, c'est un autre film, mais oui. Ok. iRobot. Au Texas, une femme a trouvé la solution pour ne pas attraper le Covid de son fils. Qu'a-t-elle fait? Elle a mis. Elle a mis des Santiax sur sa tête. Oh non, la Texas. Ça a un rapport avec. Santiago. Santiago. Jenny, t'allais dire un truc. Elle l'a tué, mais je pense. Non, pas. Non, c'est pas la bonne réponse. Elle a attrapé son fils en lasso en faisant du rodéo. Je l'ai vu. Est-ce que c'est en rentrant des courses? Alors c'est en allant se faire dépister. Ouais, mais je l'ai vu. Ah ouais, je l'ai vu aussi, je crois. Ah bah dites-nous. Elle est dans son coffre. Ouais. Elle l'a mis dans le coffre de sa voiture. Elle a voyagé avec son enfant dans son coffre. Oh, bah oui. Bah. Et en fait, c'était en le lisant, je me suis dit, ouais, je l'aurais pas fait, mais je comprends la mécanique de pensée. Femme de 41 ans s'est rendue le lundi 3 janvier au stade de Preachdown à Houston, un site de dépistage drive-in. Lyrique, hein. Où on peut se faire dépister et vacciner sur place. Tout est gros chez eux. Tout, tu sais. T'as vu? Les boissons, les coca. Ouais. Tu sais que un grand coca chez nous, c'est le petit oui, coca c'est le petit chez eux. Chez ah, eux. Ah, je te jure. Ouais, c'est et même c'est les pommes, la oui. Grosse pomme. À New York. Bon bref, elle l'a foutu dans son coffre et ils ont appelé les keufs. Elle a été relâchée le lendemain contre une caution de 1 500 € quand même. Oh. Et une petite amende au state. On peut rien faire. Ah, c'est une somme rondelette. Franchement, vaut mieux avoir le Covid que payer 1 500. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, que foutre un gosse dans son coffre en vrai. Et en plus. Elle est une vraie héroïne sans cap, écrit l'un d'eux. C'est ça. Oh. Oui. Elle a reçu beaucoup de témoignages de soutien. Parce qu'en fait, elle s'est même fait virer de chez elle. Virer de son travail, ce qui est quand même. Aucun rapport, mais parce qu'en fait, malheureusement, elle était professeure. Donc en fait, son école a dit bah, vous gérez pas bien votre propre gosse, donc on a un peu peur. Ouais. Mais elle a eu quand même vraiment une vague de soutien. Donc quelqu'un a dit effectivement, c'est une héroïne sans cap, écrit l'un d'eux, une enseignante incroyable, une mère aimante, une femme inspirante. Peut-être pas non plus. Sur des pancartes. C'est elle qui a écrit tout ça, c'est sûr. Non, mais sur des pancartes en carton accrochées à ses fenêtres, on pouvait également lire on vous soutient et on ne juge pas un livre par sa couverture. Oh. Attends, à sa propre fenêtre à elle. Ah bah oui, apparemment. Bah alors, c'est elle qui est selon LCI, effectivement, ça a l'air d'être à ses fenêtres. Début d'année oblige, des voyants nous prédisent plein de choses et une voyante britannique qui avait prédit la victoire de Boris Johnson et le vote du Brexit aussi, je crois. A annoncé plein de choses pour 2022. Ce qui nous intéresse, c'est pas ça, mais la technique qu'elle a utilisé pour lire l'avenir. Oui, j'ai vu. Ah oh, putain, mais c'est fou. Bah oui, mais c'est les trucs elle genre à juste titre et tout. Bah faut pas que tu suives ça du tout. Je les suis pas, alors, les gens les partagent en story. Connaissant ouais, l'émission, je pense que c'est un truc un peu drôle, genre les couilles comme ça, non? Gros bébé. Ce que j'écoute souvent, il y a souvent un rapport elle avec lit le dans cul des singes. Ou la merde, tu vois. Alors c'est pas ça. D'accord. Ah, mais j'aimais bien Assassin, mais elle lit dans les couilles est un bon titre aussi. Cela dit, c'est la mère de Stallone qui lisait dans les lignes de l'anus. C'est vrai. Bon, ouais, donc. Ouais, bien sûr. Ouais. Rapport, enfin, tu vois, sur les petites courbes ou les petites machins du trou du cul. Ah, mais les... oui. Oh là là, ouais, attention, l'être aimé va revenir. Je pense. Je le lis là, sur cette ligne là. D'ailleurs, pas si propre. Ouais, vous pouvez la nettoyer avant de venir me voir quand même. Non, là, c'est pas dans le trou du cul. Okay. Non, je peux c'est vous dans la le corps, c'est dans je le corps. Je vous le dis avec beaucoup de sérieux. C'est pas sur le corps. C'est pas sur le corps. Non. C'est un rapport avec le Covid ? Ça n'a aucun rapport avec le Covid. Un liquide alors ? Pas un liquide. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans ses prédictions, elle est très précise ce qu'elle dit. En 2022, on n'en aura pas fini avec le Covid. Bien vu, la voyante. Ah. Très bonne voyante. Non, elle lit avec un objet, enfin un objet, quelque chose que vous pouvez croiser au quotidien. Ah, avoir à la maison. Ah. Avoir à la maison. J'en ai à la maison. T'en as à la maison ? Ouais, ouais. Et ça m'étonne pas que t'en aies à la maison. Ah ouais, petit indice. Non, mais voilà. Si on me connaît un peu. Voilà. Un ventilateur. Un sandwich vegan. Non, mais... Et tu t'approches. Un des deux mots. Du fromage. Non. C'est un faux fromage. Des graines. Pas des graines, mais on est dans le monde du légume. D'accord. Dans les aubergines. Non. Non, les pas pépins loin, de courge. Pas loin. Ah, des citrouilles. Non, non. Dites des légumes. Léopold, tu t'es parti. Un... Bah ouais, non, je suis là, je réfléchis. C'est un légume qui est un peu polarisant. Ah ouais, tu trouves ? Bah, je pense. Hein. Ah, ouais. Il y a beaucoup de. Enfin, tomate ! Il y a des gens qui aiment beaucoup, il y en a qui détestent. La tomate, courgette. Non, pas courgette. Non, pas loin. Non. Les carottes. Mais... Aubergine, non. Aubergine. Non. Les flageolets. Non. Qu'est-ce que ça peut Qu'est-ce être que tu manges, faisons toi, comme tous les légumes de la terre. En chanson, peut-être. En salade, les cuit, pommes de terre. Du butternut. Le fenouil, non. Non. Le chou-fleur, non. Non, non, non. Le chou rouge, non, non, non. La betterave, non, non, non. Le navet, non, non, non. Les haricots plats, non. Les haricots fins, non. Le radis, non, non, non. Lentille. Mais non, non, radis... non, il a chié, putain. C'est pas le légumes. Légumes, en fait. Le radis, en termes de saveur, on est sur un truc qui... qui est... Radis noir. Ça peut avoir une influence sur un truc que vous produisez derrière. La merde. Quoi ? Ça donne pas une odeur à la pisse ? Non, pas du tout, c'est les asperges. Bah, ah, c'est des asperges. C'est la bonne voilà. Ouais, je pensais que c'était les endives, donc. Bah, non, non, très c'est bien. Des asperges. Effectivement. Alors, de toute façon, c'était trop long, on est d'accord. Ouais, on a trop bien. Mais il y a eu une bonne chanson. Donc ouais, je suis content. Ouais. En gros, ce qui s'est passé, comment elle fonctionne ? C'est pas juste, elle prend oui, une asperge comme ça et elle fait, comment, qu'est-ce qui se passe dans l'avenir ? Elle se met dans l'urètre. C'est là où on revient. Mais attends, là. C'est une dame. Comment ? C'est une dame. Les femmes ont eu un urètre. Ah bon ? Mais oui, mais non. Mais si, il est un peu plus petit. Je suis ravi de t'apprendre ton anatomie, Denis. C'est une blague. Non, non, bien sûr. Tu fais pipi par l'urètre, pas ah par ton vagin. Oui. Le trou du pipi, pas. C'est l'urètre, c'est filles et c'est les garçons. Pour moi, j'y avais vraiment. Tu lui avais donné quel nom, toi, ton trou putain, du pipi ? Putain, mais l'éducation nationale ! Elle vient de se livrer publiquement c'est... en pendant c'est... des. C'est vrai, c'est à cause de l'éducation. C'est vrai que tu le dis, jamais je l'ai appelé. Mais oui. Tu l'as appelé. Bah, après, tu veux dire. C'est quoi le nom que t'as donné à ton trou du pipi ? J'ai jamais parlé de ce trou du pipi. Jamais nommé, oui, d'accord. Bah oui, mais c'est vrai qu'il y a c'est un, génial y a un que t'apprennes des... ça maintenant. Bah, j'apprends pas et un je truc pense et je fou. Pense que plein de gens apprennent ah oui, aussi qui dans les auditeurs que les femmes ont aussi une urètre. Non, je pense hein, que c'est le seul. Moi, je peux être coupable, je savais pas non plus. Mais moi, je suis quand même très con de base. Ouais. Ah merde, putain, c'est vrai. Et les femmes ont un trou de balle aussi également. Ah non. Si. Ouais, arrête, c'est bon là. Ouais, les okay, okay, ah okay, non, okay. Stop. Donc comment elle fait ? Elle prend bien pratique pour lire l'avenir dedans. elle lançait un drap blanc et sur ce drap blanc lançait les asperges et selon comment tombaient les asperges, elle peut nous dire un peu ce qui se passe dans l'avenir. Oh elle pouvait le faire avec des micados, non ? Non, ça marche avec des asperges. Des javelots. Mais comment elle a eu l'idée ? Avec des singes. Ça, ouais. Bah, elle a ouvert son frigo, elle fait qu'est-ce que j'ai ? Deux asperges. Et bah ce sera des asperges. Non mais est-ce que vous croyez à la voyance ? Nathalie, toi, t'es un petit peu... Parce que t'as sorti une... Attention, regardez bien la transition. T'as sorti une collab avec Crocs. Oui. Donc la voyance. Quel est le thème ? Oui, parce que c'est vrai que c'est la voyance, mais c'est parce que c'est ma mère me lit souvent les lignes de la main, elle me fait des petits tirages de tarot. Je sais pas si j'y crois à fond, ça, mais j'ai l'impression que c'est plus une séance privilégiée où elle me passe des messages sous couvert de tirages de cartes. elle va me donner des petits conseils que je vais pas souvent écouter si elle me les avait dit comme ça dans la vraie vie. J'aurais fait, oh, c'est ma mère, bref. Ouais. Mais là, vu que c'est les cartes, ah, c'est, mignon. C'est mignon. C'est un petit rituel qu'on mignon. A depuis très longtemps. T'as pris combien avec l'OP Crocs Putain, mais il parle que de fric, c'est pas. Mais on est entre nous, ça va. Le nombre d'exemplaires vendus de Gérald 2. Alors, le numéro 1, 20 000 exemplaires. Ah, pas mal. Et le 2, attention, catastrophique. Je pense qu'on est à 5 000. Mais non. Si. Mais les suites marchent moins bien. Ah, mais c'est, oui, mais oui. Oui. Je le savais d'avance. Oui. Puis en plus, c'est un concept qui s'essouffle dès la deuxième page du top 1. Donc. Évidemment. Évidemment qu'un tome 2. J'avais fait 4 vidéos avant, c'est bon, on a compris le concept. Bah, on avait fait le tour il y a bien longtemps. Magnifique. C'est magnifique. Mais t'es un amour. Ton collier m'agace un peu. Je sais. Ah, j'adore ton collier. Non, mais j'aime bien. Ah, super. Merci les filles. Ah, bon, bah, moi, je vais faire foutre. Hein. C'est moi qui initie le. Tu vois, je suis, comme je suis catégorisé négatif. Alors que t'es top. Bah. Il a des asperges, hein, celui-là. Jenny. Toi, tu non, crois des endives, du coup. Je sais pas si voilà, j'y crois parce qu'on m'a jamais dit un truc bien précis, machin. Mais t'as déjà fait une séance de voyance Non. Non, bah voilà. Mais non, par contre, avec des copines, on se tire souvent les cartes. Mais allez. Vas-y, on dit ce qu'on veut en vrai. T'as la mort qui arrive, tu vas pas dire c'est fini. Oui, non. Tu dis. C'est signe de réapprovisionnement. C'est la mort d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Mais Nathalie, outre ta mère, t'as déjà vu une voyante ou pas du tout? J'ai Audrey Pirot qui m'avait recommandé un numéro. Oh non, ah, pas oui. Le truc du chien. Ah oui, le truc du chien. Non, t'as déjà parlé de ça? Non, c'est autre chose. La meuf qui lit dans les pensées des chiens là. Incroyable. Non, c'était une voyante comme ça, ça parce que ça. C'est curieux quoi. Oui. Et donc elle m'avait dit que elle voyait des gitanes danser autour de moi, mais je j'ai pas trop compris. Elle est là. Au plafond. Mais vraiment c'était ses mots. Elle voyait des entités autour de moi qui tournoyaient. Okay, ça te fait pas peur. Elle les a fait partir. Ah, sympa. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, ça, écoutez, vraiment... s'il vous plaît. C'est bonus. C'est le principe de la mafia, en fait. C'est de créer un danger après de dire on l'enlève. Oui, hein, c'est bon. On vous le laisse ou. Elle m'a enlevé aussi 80 euros. Et... Ouais, c'est ça. Ouais, mais elle a enlevé les gitanes. Ouais, t'as récupéré sa voiture avec l'OP, donc beaucoup. Léo, toi, voyant, t'as déjà tenté? Non, mais c'est un peu comme la. L'hypnose, on m'a jamais fait et j'aimerais bien le faire pour voir juste pour tester. Ouais. Mais moi j'ai peur du truc. Moi j'y crois vraiment zéro. Mais j'aimerais bien tester quand même. Mais je veux pas être. J'ai l'impression que si t'y vas en étant déjà persuadé que ça marchera pas, peut-être tu ne te seras. Ça marchera sur pas du tout quoi. J'ai l'impression qu'il faut quand même avoir une petite envie d'y croire pour que ça nous touche. Je pense. Ouais, et c'est comme ça. Disait Natou, oui, je pense que des fois, t'as juste besoin d'entendre quelque chose. Oui, c'est ça. Il suffit que quelqu'un d'extérieur te le dise pour que. En fait, après, j'en ai appelé plusieurs. Non, mais c'est vrai que. Ah, en fait, ouais, maintenant, je vais vous le dire. J'adore ça. Non, mais c'est que. En fait, t'as l'impression d'avoir une conversation avec une personne qui te dit que des trucs positifs. Parce qu'en général, on ne veut pas te dire des trucs négatifs. Donc, du coup, ça te rebooste un peu. Oui. Et puis, j'ai vu passer un truc hier sur TikTok où Karl Lagerfeld racontait qu'il avait consulté une voyante qui lui avait dit tout exactement ce qui allait se passer dans sa vie et que tout s'était vraiment reproduit très pour trait. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc mental comme quand tu lis l'horoscope de Télé Z le matin? L'effet Barnum. Oui, mais Barnum. Là, dire à l'effet Karl Barnum. Lagerfeld, vous allez devenir connu mondialement. Il y avait été avant. Oui. C'est fou. Mais moi, j'aimerais trouver tous les gens à qui on a dit ça qui sont pas du tout devenus connus. Parce que du coup, on ne sait pas tous ces gens qui sont arrivés. C'est le fameux billet du survivant. Un peu. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? Parce que quand j'ai appris tout ça, j'ai fait, c'est fou que ça existe un mot pour ça, parce que c'est un concept génial. Le billet du survivant, c'est que, en fait, les gens qui disent ouais moi si j'y arrive tout le monde peut le faire etc. Sauf qu'en fait les gens pour qui ça marche pas n'ont pas l'occasion de raconter leur vie en fait et n'ont pas forcément envie de raconter le fait qu'ils ont raté. On n'a pas envie de les entendre. Non, puis eux ils n'ont pas forcément envie de raconter leurs échecs. Leurs échecs. Et du coup, comme on n'entend que les gens qui ont réussi, on se dit ah là là, mais c'est vraiment ceux qui ont réussi qui ont beaucoup de facilité à parler de leurs échecs d'ailleurs. Souvent, ça j'ai merdé, oui, mais parce que ça marche après. Exactement. C'est ça. En Équateur, une bande d'amis a voulu rendre un dernier hommage à leur pote décédé. Qu'ont-ils fait de lui? Ils l'ont mangé. C'est des singes. Ils l'ont donné aux singes. Non. Ils l'ont emmené en road trip. Alors, non. Un voyage d'en train. Non. Mais en avion. Non. Mais on est autour de ça. Un voyage du surf. Pas un voyage, mais ils lui ont fait vivre un dernier rêve qu'ils voulaient faire. Alors je sais pas si c'est un dernier parachute, rêve. Sans parachute. Non, pas un sans parachute. Mais sans parachute. Du jet ski. Pas du jet ski, mais on s'approche. On est sur un moyen de locomotion. Non. Dans l'espace. Du monoroue. Une petite trottelec. Je sais pas, on peut aller dans l'espace maintenant. Quand tu fais tenir un mort sur une trottelec. Mais tu poses son urne. Ah, ils ont loué. Non, c'est le corps. C'est un cadavre, hein, c'est pas une urne. Hein. C'est vraiment le corps décédé. Ah, moi, c'est ce que je lui disais. Ah, ils ont fait faire un petit tour de Ferrari sur les champs, là, à louer. 89 pour euros. Ça m'a toujours fait rêver, ça. Ils lui ont fait faire de la plongée, mais sans les bouteilles. Non, bah de non, la non. luge. Pas de la luge. C'est un peu moins fou, hein, en vrai. C'est un. Ah, okay. Mais attends, est-ce c'est que... un moyen de locomotion assez basique. Bah alors, attends. Mais pas une est-ce que c'est un moyen de locomotion où le cadavre peut ouais. être autonome, c'est-à-dire par exemple, une luge, tu le mets, tu le pousses, il descend tout seul. Ah oui, il peut être autonome. Enfin, non, il a été conduit. Disons, par donc, quelqu'un. Il y avait quelqu'un, oui, il voilà. Y avait quelqu'un. Donc, pour ça, une trottinette électrique, tu peux oui, mettre vrai. Le cadavre tu et tu te mets derrière. Et comme tu ça, voilà. sur des poules. Comme l'oiseau. Pourquoi il fait ça, c'est trop lucky. Mais c'est un truc qu'il avait vraiment envie de faire de son vivant. Alors, l'info ne le dit pas, malheureusement. Ah, pas un vélo, j'espère pour le. 4 roues Ça n'a pas 4 roues. 2 Ça a 2. C'est aquatique. Une moto. Ouais, c'est une moto. C'est une moto. Ils lui ont fait faire un dernier tour en moto. Tout sans... Alors, excusez-moi, parce que j'ai plus de wifi. Donc je peux mais tout seul, du coup. Hein. Tout seul, du coup. Non, non, bah du coup. Non, non, non. Une moto Tesla, ok. Non, et là oui, l'anecdote ne le dit pas. Est-ce qu'ils lui ont mis un casque, même, du coup. Parce qu'en vrai, pas. Bah, pas très utile, ça ne sert à rien. Pas très utile. Non, mais pour la sécurité des autres. Non, non, non, ils l'ont, en fait, en gros, ils l'ont bloqué entre, entre deux. En fait, c'était trois sur la moto. C'est trop bizarre. Déjà, être trois sur une moto, c'est. C'est gentil d'y avoir pensé. C'est une chanson de Vincent Delerme, déjà. Donc, il s'appelle Eric Cadeno, pardon. Cédeno, 21 ans. Il a été tué par deux hommes au début du mois de décembre, alors une mort un peu déjà glauque. Ah, lors de sa cérémonie funéraire, plusieurs de ses amis ont décidé de sortir le corps du jeune homme de son cercueil et de l'installer sur. Ah, mais quoi Oui, ah, ils l'ont. Pardon. Ils l'ont sorti pendant la, ça, oui, oui, oui. Pendant la cérémonie. C'est pendant génial. La cérémonie, ils l'ont sorti de son cercueil et l'ont installé. Niveau encore au-dessus, je trouve. Et l'ont je installé pourquoi, sur une le moto. Sortir du cercueil, c'est. Ils l'ont c'est installé clair. Sur une moto pour une ultime balade. La police a condamné cette pratique. Mais c'est des bikers, les mecs. C'est des bikers ou pas? Bah ouais, ça ne le dit pas. Je pense que c'est des bikers. Bah je pense. Sinon, c'est trop bizarre. Bah. Oui, souci. Il avait aucun intérêt. Ah oui, c'est ça. Un groupe de motocyclistes. Ah oui, c'est des bikers. La police ouais, a quand même. Ok, c'est bon. I went to hell. Non, c'est pas ça. Je l'ai raté. C'est ça, ça marche bien. Il n'y avait pas le visuel, mais tu as fait les cornes avec la main. Oui, et j'ai dit I went to hell. T'as dit well. T'as dit well, mais. C'est raté. Non, ça marche. Donc oui, la police a condamné, mais aucune plainte n'a été déposée, donc ils n'ont pas subi de voilà, ils n'ont pas dû payer une amende ou quoi que ce soit pour avoir sorti leur pote et l'avoir mis sur une moto. Moi, j'aimerais. Oui, vas-y, pardon. J'aimerais qu'on emmène ma dépouille au oui. Grand Rex. Ah oui. Voir. Le dézapping. Une dernière fois. C'était pas le zapping amazing? Ah oui. C'est pas grave, c'est pas un truc que c'était t'as fait. C'était quoi le dézapping déjà? C'était, non, c'était l'émission. Le dézapping, c'était avec le studio Bagel. Et le Zapping Amazing, Zapping Amazing ah oui. C'est le spectacle avec c'est le spectacle des youtubeurs. Des youtubeurs. Des youtubeurs. C'est ça vraiment ce que tu veux. Mais les cendres ou le cadavre? C'est ça le la cadavre question. Le cadavre, cadavre là, posé devant le grand. Tu mets plein de parfums. J'aimerais qu'on me brûle sur scène. C'est une sorcière. Mais en vrai, vous avez déjà un peu imaginé votre enterrement ouais. Ou ce qu'on ferait? Ah ouais. Alors moi j'y ai vraiment pas. Elle est folle en fait. Non mais j'ai vu qu'il y avait je sais plus dans quel pays, je crois que c'est Finlande, mais je dis peut-être de la merde comme d'hab. Mais arrête, tu mais non, super. Mais super. Et ben il brûle le cadavre, tu deviens de la cendre et après ils mettent dans une arbre. Forêt exactement, tu deviens un arbre. C'est incroyable, je trouve ça fou plutôt que d'être enterré. En fait tu nourris un arbre, enfin tu Oh, normalement, tu deviens un arbre. Mais laisse-moi croire que tu deviens un arbre. Sur le contrat, ils te disent que tu deviens un arbre. Ils ont dit, hein. Mais à quoi ressemble l'arbre? Mais oui, mais c'est quand même beau. Mais, t'es, c'est un arbre. Entouré d'arbres. Mais cela dit, tu restes dans la terre et là, un arbre pousse à côté. Ça n'a ah oui, non, mais il dit tout. Mais quoi, de la cendre se transforme en arbre. Tu préfères être bouffé par des vers au fond de la terre, peut-être? Bah, je sais pas. C'est pas très vegan. Non, mais parce que cela dit, donc en vrai, tu aimerais être incinéré. Et ensuite demander à tes amis. Enfin, j'aimerais, bon. J'aimerais pour pas crever, ouais, et ça serait pas mal. Et ils te foutent dans une forêt, quoi. Ils te foutraient avec une petite graine, c'est ça? Ouais, ça serait bien. Ouais. Ouais. En plus, je trouve ça trop beau. Il y a un truc aussi où justement ils font un truc avec un arbre, mais ils le mettent dans un. Du coup, ça devient un espace protégé, l'endroit où il y a ton arbre, et du coup, j'imagine tu. J'imagine l'arbre qui est horrible. Il a pas réussi à pousser le truc. Tout le monde pisse dessus. Il y a ton visage. Dans le tronc, il y a ton visage. Comme Premier feuillage, mais horrible. Qui louche pour pas. Et le vent dans les branches, oh, qui fait. Qui fait là. Je veux dire, je veux pas ça en fait. Léopold, est-ce que t'as déjà réfléchi à ton enterrement? Bah quelle folie, non. Non, mais il y a des gens qui y pensent. Déjà, je sais pas si ma famille viendra parce que j'ai très mauvais rapport avec eux. Non, bah j'espère que moi je veux bien que ce soit une fête, ça me dérangerait alors, pas. Voilà. Alors c'est très intéressant ça. Ma tu mère disait pareil. Tu savais que j'allais dire ça? Bah ouais. Mais non, mais parce qu'il y a plein de gens qui disent je veux que mon enterrement soit une fête, alors que moi c'est vraiment l'inverse. Je veux qu'on Tu veux qu'on chiale? Pas qu'on chiale. Non, non, mais qu'on te célèbre dignement sans. Non, mais dire que c'est une fête, c'est foutre une pression. Déjà, oui. Quand tu fais une soirée, et imagine, je fais une soirée, je te dis, c'est une teuf. Je te mets déjà une petite pression de dire, non, on va s'amuser, il y aura de la musique, ça va être la meilleure soirée de ta life. De toute façon. Que l'enterrement soit une fête, il y a un peu un truc qui ouais, dit. Je oui, je suis d'accord. Non, mais attention, pas si je meurs demain, par exemple, ça me fait chier que tout le monde fasse la fête. Tu sais pas si on devait mourir demain, mais fin de moi vie, je t'aimerais déjà. Pourquoi si on devait. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Non, mais en plus, on dit souvent, enfin, moi qui ai un peu d'expérience dans le domaine, que les enterrements, c'est pour les gens qui restent en fait. Donc en fait, s'ils ont envie de faire une fête, qu'ils fassent une fête, qu'ils ont envie de. Voilà. Ouais, l'égoïsme de merde, tu seras morte. T'as pas de foot. Non, mais j'ai demandé, c'est ma faute, j'ai demandé. Ouais. J'ai demandé. Faites au moins cher, quoi. Ouais, c'est ça, vous emmerdez pas. Franchement. Non, mais moi, par exemple, c'est vrai qu'incinéré ou foutu sous la terre, je sais pas. Cela dit, moi, j'ai toujours eu un truc où je m'en foutais un peu et je suis allé pour la première fois sur la tombe de mon grand-père, genre l'an dernier, ou il y a 2 ans, qui est mort il y a genre 10 ans. Et bah, ça m'a fait du bien d'avoir un espèce d'endroit où te recueillir. Ouais. Pas forcément une tombe, ça peut être effectivement un arbre. Mais t'aurais pu avoir l'urne. Ouais. Et bah, t'aurais pas eu à être déplacé. Oui, mais ouais. Et bah, tu rigoles. Mais se déplacer ajoute oui, un truc. C'est un rituel. Il y a eu un truc de allez, vas-y, je vais le voir un peu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour info, j'ai dispersé les cendres de mon père dans une forêt et j'ai perdu les coordonnées GPS. Je peux pas y retourner. Il va faire toutes les forêts du monde pour retrouver. Non, je connais, je sais dans quelle forêt c'est, mais je sais pas où quoi. Bon, en vrai, le vent forêt, a dispersé va, en oui, encore façon, plus. Oui, tu pourrais, reconnaître l'arbre qui a poussé grâce à ouais, la tête de mon père. Horrible. Quelle horrible vision. Un homme était en cavale depuis 20 ans et la police a enfin réussi à mettre la main dessus. C'était Zorro? Non, mais en cavale, il est à cheval. Parce qu'il n'avait pas son masque. Très bonne réponse. Ah bah oui, il avait pas son masque. Bah, finissons l'émission maintenant. Qu'on s'emmerde pas. T'avais vu l'info? Je sais pas faire semblant, moi. Non, non, c'est vrai. Pourtant, t'es une très bonne comédienne. Est-ce que tu connais un peu l'histoire? Ou t'as juste vu le titre et, C'était en Espagne, non? Mais le. Oh, bon, t'as tout gâché. C'était en Italie, non? C'était au Texas, non? C'était en Pologne. Bah, c'est pas grave. Ah, en plus, ton pays. Ton pays d'où tu viens, là. Un meurtrier en cavale arrêté car il ne portait pas de masque. Un homme de 45 ans qui avait été condamné à 25 ans de réclusion criminelle et était en fuite depuis 20 ans. L'homme était interpellé par la police du quartier de Bielany. Parce qu'il n'avait pas de masque. Bilal Hassani, évidemment, a déclaré la sous-inspectrice Elwira Kozlowska dans un courriel à l'AFP. Voilà. Or, en Pologne, le port est obligatoire pour entrer dans les boutiques. Voilà. Cocasse. Il s'est fait avoir comme ça. C'est cocasse, mais c'est le, bah, c'est cocasse, c'est le but de l'émission. Hein. Ah nouvelle. Pardon. Alexa a fait une suggestion assez particulière à une petite fille. À votre avis, laquelle? Du porno. Oh, c'était non, de mettre ses doigts dans une prise électrique. Oh, ah, mais c'est ça. Ça y est, c'est une culture. Alors, c'était pas ses doigts. C'est ah, mais c'est vrai, c'est ça. Non, mais c'était de mettre une prise et de poser 2 pièces de monnaie sur les tiges, les tiges de la prise. C'était son chargeur de téléphone avec une pièce de monnaie, effectivement, sur les embouts qui dépassent encore. Il me semble que c'est 2 pour être c'est précis. C'est 2 ah, non, mais peut-être ouais, que non, c'est non. 2. Vérifie tes sources. Ouais, je suis dessus. Mais comment faire confiance à Bezos après ça? Non, mais ouais, alors qu'il était irréprochable. Mais c'est ça la vanne, putain. Je m'emmerde. C'était raté. Mais non. Si personne n'a compris. D'ailleurs, vous avez vu les dernières photos de Jeff Bezos sur Insta? Oui. Il est magnifique. Oui, il est incroyable. Il est devenu Pitbull. Il est très baraque. Vrai. Il est vraiment. Ah ouais. C'est Jeff, ouais. Jeff Bezos, un peu. Oh là là. Avec son fils, qui est sublime aussi. C'est deux fils qui sont atroces. On a envie de les tabasser. Non, mais c'est vrai. Laideur, ouais, t'as envie vraiment. Ah, laideur, je sais pas. Non, mais leur style. C'est deux grosses mochetés. Non, mais... il veut les tabasser. Je dis toi, je jugerais pas la laideur des enfants, vu qu'apparemment oh non, ta fille est atroce. Horrible. Non, mais ça. Parce qu'on est entre nous, mais après les auditeurs, ils vont être trop lourds. Non, non. Florent vous bloquera sans aucune forme de procès. J'ai toujours été très, j'ai toujours été le good cop de ce binôme. Non, non, c'est faux d'ailleurs. Oh, tu bloques beaucoup plus les gens que moi. Oui, c'est vrai. Non, j'insulte maintenant. Je dis, je t'emmerde. Non, mais toi, tu les insultes et tout. Non, mais... non, nous étions en train d'enchaîner des challenges physiques à l'intérieur, comme se coucher par terre et rouler en tenant son pied avec sa main, qu'on avait vu dans une vidéo YouTube déjà... d'une prof de PS. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle faisait ça. Elle avait vu des vidéos de gens qui faisaient des challenges rigolos avec Alexa. Il faut savoir qu'il y a des applications tierces sur Alexa. D'accord. Ou Google Home et tout. Okay. Tu peux faire une appli qui utilise genre il y a des trucs de quiz musicaux et tout, c'est pas des trucs intégrés à Google Home, c'est des Alex Assassina. Oh, oh, Alex Assassinge. Ah, ah, bon, ah non, tu peux commander des singes. Non mais le donc, du coup, Amazon voilà. A répondu. A tenu à corriger son erreur. La confiance de nos clients est au centre de tout ce que nous faisons et Alexa a été pensée pour donner des informations Puni. Précises. Bon, écoute. On lui a dit tu vas au coin Alexa, maintenant, ça va. S'appelle Daniel maintenant, c'est plus la même voix. Pour donner des informations précises, pertinentes et utiles aux clients, dès que nous avons pris connaissance de cette erreur, nous avons agi rapidement pour la réparer. La réponse est la plus probable relèverait d'une mauvaise compréhension du terme challenge par l'assistant vocal. Peut-être a-t-il compris suicide. Non mais non. Selon Numérama, la suggestion faite par l'assistant Amazon pourrait trouver sa source avec le penny challenge, un défi consistant à glisser une pièce de monnaie sur des embouts électriques afin de générer des étincelles et au passage cramer le circuit. Oui, bah c'est ça. C'est... Oui, c'est ça. Dit, ça pourrait être ça. Hein. Oui, parce que c'est littéralement le truc. Il y a moyen. Il y a moyen. Mais la petite. C'est exactement la même chose. La mais on la a une piste là. Va bien. La petite fille va bien, soyez-en rassurés. Pièce de monnaie sur les embouts d'un... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On a eu le pif là-dessus, ouais, c'est ça. C'est ça. Vous avez Alexa, vous êtes un peu dépendant à des trucs un peu technologiques, vous ? Dépendant... Non, mais pas dépendant, mais... Moi, franchement, mon smartphone, tous les jours. Ouais. Tous les jours. Tu pauvre type. Je scroll. Je me réveille. Non, par contre, récemment, j'ai réinstallé TikTok. Et c'est vrai qu'il y a un TikTok qui est apparu et qui me disait ça fait trop longtemps que c'est sur TikTok. Et je passe beaucoup trop de temps dessus, effectivement. Mais c'est génial. Ah oui, le bonhomme en fait. Avec l'oreiller, là. Quoi ? Il dort pas encore ? Non, bah, alors, du coup, je l'ai vu plusieurs fois. C'est pas le même exprès, à chaque fois. C'est ça ? Ouais. Ah, génial. Ça. Ah, c'est mais TikTok, oui, il met ça. Et moi, quand j'ai l'alerte, je fais il a raison. Et je m'en fais des applications. Et tu dis, ah, moi je scroll encore. J'ai jamais eu. Ça va, tu vas pas me dire non plus. Avec ton oreiller là. C'est ça. Mais pourquoi il a un oreiller ? C'est génial. Mais en fait, il fait comme s'il allait dormir. Il fait, mais qu'est-ce que tu fais encore là à scroller ? Je sais pas, le jeune là avec les cheveux, avec beaucoup de cheveux là ? Non, c'est pas ça ? Si, alors quoi ? C'est ça, non ? Le fou, je sais plus son nom. Ah non, c'est pas lui. Je vois qui tu parles. Non, mais il en a fait aussi lui. Jack Paul. Non, je connais pas. Non, je connais mais Joël qui parle, qui fait des micro-trottoirs. Et toi, Léopold, t'as pris combien sur ton OP Spotify ? On voyait passer beaucoup sur TikTok. Non, attends, il y a un portable qui est tombé là. Attends, on est entre nous, on peut en parler ? Non ? C'est rigolo, Nathalie, parce qu'avant que t'arrives, on en parlait. Vous faites que quotidiennement une story de Léopold pour nous inviter à utiliser une appli que tout le monde utilise. Quand même incroyable. Non, mais après, on veut pas t'humilier, Léopold. Mais... Non, bah c'est le cas. Je sais pas où me mettre, voilà. J'ai honte. Est-ce que tu regardes le truc de combien de temps t'as passé sur ton téléphone ? Non, je l'ai supprimé. Ça, je l'ai mis parce que c'est un Moi, je regarde plus parce que c'est. Bon, de toute façon, je m'en foutais en plus. Non, en plus, je m'en foutais. Moi, le chiffre 5, par exemple, 5 heures, je trouve ça un peu violent. Moi, c'était énorme, mais je m'en foutais donc. Toi, Jenny, t'as un petit truc technologique que tu adores ? Non, la télévision peut-être. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui mettent la télévision en fond ? Exactement. Tu mets YouTube ou tu mets la télé ? La télé. Ça te fait une présence. Ah ouais. C'est pour ça que je connais les déjà pubs partie par des cœur, gens en fait. Qui regardent la télé déjà. Moi j'ai 52 ans. Est-ce que ça... Arrête. Est-ce que ça te fait une présence par pas exemple ? Si loin mais bon, voilà, aller, voilà. Mais des fois je l'allume mais je fais vraiment tout autre chose. Cela dit, ça explique pourquoi il y a enfin comment dire, ça fait ça, pour le travail, c'est pas mal aussi puisque ça nourrit oui, beaucoup exactement, les paroles. Exactement, oui, hier je suis tombée fait peur. Exactement, hier je suis tombée sur l'émission Patron Incognito, j'ai trouvé des idées. Ah mais voilà, alors oui, que ça, vraiment j'y allais pas pour ouais, mais j'y allais pas pour faire ça mais ouais. Bah c'est dommage, tu devrais. Oui, mais quand tu cherches, tu trouves pas. Je suis boss un peu en fait. Mais moi c'est vrai que je mettais beaucoup la télé en fond à une époque. Mais moi je mettais des films en fond. Je mettais des films oui, bah, comme c'est ça. Plus mais quand t'adores le film, je te parle tous les ports de ta peau en fait. Non, mais justement c'était moins de respect. C'était vraiment, tu sais, je regardais oui, pas vraiment t'es, quoi. T'es, c'était en fond. J'avais rien à foutre. Je suis addict au cinoche. Bah, dans mon sens c'est de la pellicule. Ouais, je comprends. Nathalie ? Je suis accro à la technologie. Des fois je dis, Siri, mets un chronomètre de 10 minutes. Il va le faire. Et il va le faire. Ah, c'est génial. Je suis totalement dépendante. Mais tu vas plus trop sur TikTok. Tu rigoles. Bah, alors tu me réponds pas à mes gifs que je t'envoie. Mais si je t'en ai envoyé un, ben bah, regarde. Les gars, vous engueulez. Je t'en ai envoyé un. Non, mais je t'envoie des Léopold le bébé. Franchement, je t'ai envoyé un gif. Tu réponds pas à mes gifs. Moi, je t'en ai envoyé un. Plus à répondre à un gif. Mais j'ai pas répondu, ouais, c'est vrai. Tu regardes. Non, mais ouais, tout de suite. Mais ils sont en train de s'engueuler toujours. Non, mais tu sais que Léopold déteste qu'on lui réponde pas. à des messages ou des trucs. Ah non, non, non, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'une fois, je t'avais pas répondu à ton carton d'invitation d'anniversaire. Non, mais c'est pas grave. Tu m'avais déjà envoyé avant. Flo ne répond jamais sur Instagram en DM, ça me rend dingue. Non, mais des fois, juste il envoie des. Il t'a bloqué. Il t'a bloqué. Non, je t'ai pas bloqué. Non, il commente des stories même, ce chien. Oui, des fois, il envoie des ha ha ha ou des emojis. Et bah, dis merci pour ton ha ha ha. Et en fait, il est énervé parce que je mets pas un cœur à son emoji. Non, ça, c'est un enfoiré de arrête. Fou. Oh, mais non, tu peux passer pour un malade. Ouais. En vrai, ça prend deux secondes de mettre un cœur. Ça doit être un peu vrai. C'est juste que quand moi, la vérité doit être entre les deux. Aïe, ouais, juste au milieu. Non, mais en vrai, quand je commente tes stories ou quoi, et je te mets pas hahaha, je te mets autre... évidemment, tu réponds pas hahaha. Et parfois même, je te pose des questions et tu ne réponds pas. Oui, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est vrai, audio. Ah oui, d'accord. Ça, moi, il me répond tout le temps. Ça, c'est... Après, moi, il masque pas mes stories. C'est arrêté. C'est pas un concours, mais c'est horrible. Si je devais faire un top 3, évidemment, qu'il y en a un. Là, il vient d'en faire, Léo. Ah, c'est pas Baptiste Le Caplain en 1. Oh là là, ça fait jaloux. Il est très drôle. Ouais, ouais. Un papy du doux. Moi, on s'en fout si je suis addict à une technologie. Alors, pardonnez-moi, Adrien. Google Home, parce que moi, j'ai que des, quasiment que des ampoules connectées chez moi. Ah ouais, c'est pratique. Et donc, ouais, du c'est coup, je dis OK, Google, allume tout et. Ça allume toutes les lumières. Ça fait ce bruit. Et tous les voisins et tout. Et imagine. Si long. Et donc voilà. Je suis pas. Enfin, je suis très dépendant. Non, mais de toi, ça, quoi. Toi, tu as un truc et tu l'as aussi sur Twitch. Je m'étonne. Non, mais. Ça, j'adore les petits. Tiens, un truc en toi. Il y a une petite étincelle dans tes yeux quand il y a un truc technologique qui se met en place quand même. Quand il y a un petit truc un peu en lien à la robotique. Ah oui, la petite musique qu'il fait avec ses petits appareils. Mais oui, c'est ça, l'intelligence artificielle. Ah oui, mais. Ça t'excite en fait. Bah ouais. Est-ce que du coup, les robots chiens là, ça te fait pas peur toi? Non. Non, c'est moi. Les trucs de quoi le bruit? On a eu un petit bruit, un petit renvoi. Les chiens qui font des saltos là. Les trucs de oui, Boston Dynamics tu fais là. Ça, ils se remettent en place. Non, moi j'adore. Ouais. J'ai vu qu'ils en font. Enfin, c'est très cher, mais tu peux des trucs, des modèles que tu peux acheter pour toi, quoi. Mais des plus petits. Mais c'est pas Boston Dynamics, donc ça doit être beaucoup moins bien. Ouais, mais moi j'ai vu Black Mirror et du coup ça me fait peur. Oh. Mais je pense que c'est pour ça. Hein. Oui. Non, mais je sais pas, c'est pas plus. Mais toi, ça te fait. Mais moi, je Et est-ce que quand t'étais petit, d'ailleurs, on en a jamais parlé, tu étais féru de SF et de trucs comme ça? Est-ce que c'est lié à l'enfance ou est-ce que c'est un truc qui arrivait genre. Pas. Ouais, c'est pas ça. Tant que ça, moi j'ai vu genre Star Wars, je l'ai vu hyper tard par exemple. Puis même hier. Maintenant, j'avais pas trop. Oui, c'est ça, plus. T'es pas fan de Star Wars du tout. Ouais. Non, mais je sais pas, mais je trouve ça cool que ce soit en vrai en fait. Ça arrive encore mieux quoi. Mais en fait, c'est toujours des trucs qui nous font rêver quand on est petit. Ouais. Et du coup, bah moi, ça me fait toujours rêver de te dire ah putain, on est. C'est... Enfin, tu vois, genre. T'es un grand enfant quoi. Non, mais Google Home, c'est quand même un robot entre guillemets à qui tu peux parler, qui te répond, qui te donne des infos. Oh là là. C'est trop qui bien. Qui donne des challenges. Ouais, ouais, c'est trop bien. Genre, bon, là on va voir que ma vie est extrêmement oui, j'avoue, triste. C'est tout aussi en fait. Tu peux faire. Genre, tu peux lui dire est-ce que tu m'aimes? Il te dit oui. Non, mais je lui ai déjà dit remonte-moi le moral. C'est trop pathétique. Ah non, c'est pour tester. En vrai, c'est un peu mignon quand même. Non, j'ai testé, c'était assez. Du Franck parce qu'elle a dit je peux vous dire une blague ou vous faire un jeu ou un truc comme ça. Oui, bon, c'était pas terrible. Mais tu crois que si tu lui dis, tu le menaces de dire je vais faire une connerie et tout, il appelle oui, tout de suite oui, quelqu'un. Oui, j'ai testé aussi pour. Oh non, si, c'est Léo. Pour déconner. Non, mais tu sais, sur Google ou sur Twitter, dès que tu mets des mots un peu porn, suicide, machin, ils te mettent le numéro. Porn dessus. Non, pendre. Ah, c'est pendre. Pendre. Ah oui, oui. Ça va. Tu veux te branler, si tu veux te branler, si tu voulais t'aider, franchement, appelle-nous. Trouve une neuve grosse merde. Bon, ça va, non, il y a tout de suite un numéro qui s'affiche et tout. Ah bah je testerai, je t'enverrai une vidéo si tu veux. Mais non, je disais que moi j'adore les blind tests et du coup Google Home me fait des blind tests. C'est ça, mais fait ça. Mais oui, je vous avais dit. Oui, bien sûr. Mais ça, moi j'adore aussi. C'est trop bien, c'est génial. C'est vraiment trop bien. Je faisais à manger et il me faisait un blind test, voilà. Bon, ça tue. Et tu gagnais quoi en plus. Ça coupe bah, un peu. Une vie de. Moi je brûle la vie par les deux bouts. Ça coupe la solitude. Bah c'est comme moi je regarde quand je regarde Nagui. T'as un chien. N'oubliez pas les paroles. Moi, c'est un peu ton Alexa, c'est Nagui. C'est ça. Ça va, c'est ça. Lila, je l'entends. Un papy. Oh, il y a Aurélien Prévost qui revient. Ah bon. Il reprend ma place. Tu veux aller faire caca, Nato? Non. Ah, je me disais. Ouais, si tu veux, Nato, je peux te remplacer à tout moment. Je voulais juste faire une petite précision par rapport à un truc que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Parce que je suis Natoo quand même. Ah, t'as dit un truc horrible en mon nom. Parce que comme je suis Natoo et que voilà, faudrait pas que mes propos soient déformés dans la presse et tout, j'ai dit un truc tout à l'heure. Ça m'est déjà arrivé par le passé, donc ça me semble important de préciser. Quand je disais que j'adorais Polanski, il faut que vous vous disiez que je parlais bien évidemment de l'homme. C'est pas un homme de l'artiste. Oui, pas l'artiste. Parce que les films sont pas ouf. Voilà, voilà. Ça, le cinéma a chié, mais, non, mais merci. Vraiment... Merci Natou pour la précision. Pianiste, c'est quand même bien, le pianiste. Merci Natou pour la précision, merci beaucoup. Merci énormément. Oui, d'accord. Oh, j'espère que les gens ont vraiment pas cru que c'était moi. J'espère pour toi. Un papy de Doubs, alors la ville du Doubs, mais qui se trouve dans le département du Doubs. Mais ça s'écrit comment? Pareil, D-O-U-B-S. Doubs. Ah bon? Bah oui, désolé. A été interpellé par la police alors qu'il pensait faire une bonne action. À votre avis? Quoi? Gifler un gosse? Non. Ils nous font chier, il pensait faire une bonne action. En fait, il pensait faire quelque chose de bien et la police lui a dit non, c'est pas une bonne action. Il allait enterrer sa femme. Non. C'est marrant, je pensais qu'il enterrait quelque chose aussi. Alors, il n'a rien enterré. À part sa dignité. Allez. Il faisait des tests antigéniques aux gens. Non. C'est gratuit avec un bout de bois. Gratuitement. Est-ce que c'est un truc médical? Pas du tout médical. Est-ce qu'il a déplacé des trucs? Non. Il a suivi une personne pour voir, non. Non, non, non, non. Est-ce que... Il a voulu aider la communauté, un peu, les gens de son village. Tronçonner un arbre. Non. Est-ce qu'il a, genre, rénové des œuvres ou un truc comme ça? Non, non, non. Il a mis une caméra. Il a pas mis de caméra. Non. Non, non, non. Non, il a vraiment voulu faire un truc, quelque chose, disons, de culturel, voilà. De culturel. Culturel. C'est bien, je vais, voilà, pour la culture. Est-ce des que gens, c'est cool. C'est pas rénover un truc, c'est non, il a rien rénové. Une sculpture. Pas de sculpture. Une affiche de cinéma. Pas une il a fabriqué photo, quelque chose. Non, une peinture. Ah, une nouvelle chanson. Regardez cette voix. Il a peint par-dessus. Non. Des tags. Non. Est-ce qu'il a fabriqué quelque chose? Il a rien fabriqué. Il a fait don de choses. Ah. De. Il a fait don des de trucs de mémorabilia nazi. Non, mais c'est vrai, photos ça. Photos de lui. Non, pas des photos de lui nu. Donc, des. Ni des habillé, donc, tu dis que c'est culturel, donc c'est un don de trucs artistiques, des œuvres. Oui. Ok. Des ah oui, non, pas. Oui, on non, mais justement, c'est un truc illégal. Des bibelots. Ah, la drogue, la drogue. Non. Des trucs qui ont été volés dans un musée. Non. Des armes. Non, pas des armes. C'est des œuvres d'art. Alors, œuvre d'art, ça va mettre sur une mauvaise piste. C'est vraiment plus un truc culturel. Ok. C'est à lui. Oui, ça lui ça lui appartenait. C'était chez lui. Alors pourquoi c'est pas bien? Parce que c'était acquis. Ça avait été acquis légalement. Non, ça a été acquis tout à fait légalement. Je vais vous donner un petit indice. C'était en gros dans les boîtes à livres. Vous savez qu'il y a dans les communes parfois ils font ça sur ouais. des anciennes comment on appelle ça, des anciennes cabines téléphoniques. Ah oui. Et ça devient des trucs à livres. Donc il a fait un don de livres. Voilà, je vous le dis. Ah mais du porno quoi. Très bonne réponse. En fait, il a offert des magazines. Alors, c'est ce qui me fait, c'est que c'est des magazines et pas des livres, quand même. C'est des magazines de cul qu'il a mis. En fait, il l'a mis pendant plusieurs mois. Et donc, les gens se demandaient, mais qui met des magazines de cul? Quelle espèce de. En vrai, c'est drôle, non? Quelle espèce de taré a fait ça? Et alors qu'en fait, lui, c'était juste des revues pornographiques très évocatrices, selon la police. Et les policiers sont rapidement remontés jusqu'à un homme âgé qui a reconnu être le donateur de ces revues, avant d'indiquer qu'il ne voyait aucun mal à sa pratique et qu'il était persuadé qu'il y avait un public c'est intéressé. C'est Alexa qui lui a dit de. Puisque ces magazines. Il a dit je suis persuadé qu'il y a mais un public enfin... intéressé, puisque mes magazines, mine de rien, disparaissaient à chaque fois. Ouais, bah, c'est peut-être des parents qui les jetaient Coquin. À la poubelle. Bah, c'est ça. L'homme a présenté ses excuses et a promis de ne plus recommencer, d'autant plus que son stock est désormais totalement. Écoulé. Voilà, tout simplement. J'ai un pote qui récupère des livres dans la boîte à livres et qui les revend. Quelle merde. Wow. C'est toi. J'ai un pote. Je renvoie même pas les vêtements qui sont pas à ma taille. Moi sur les boîtes à livres, il y a un truc où j'étais embêté parce qu'on reçoit quand même beaucoup de et je parle pas du tout de la BD de Léopold, mais on reçoit des trucs de youtubeurs parce qu'on a mais des comme amis. C'est dédicacé, et ils sont pas, dédicacés, alors je peux pas les donner à moi, des je gens. Je l'ai fait quand même une fois. Mais moi j'ai un truc parce que je l'ai lu une fois, donc c'est bon. C'est souvent c'est pas des trucs que j'ai envie de relire un milliard de fois. Okay. Et je me dis ah c'est cool d'en faire don à des gens, mais c'est un peu gênant. Moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé justement une BD Gérald, qu'il l'avait acheté à Emmaüs. Et il y avait une dédicace avec un prénom et tout. C'était de qui? C'était pas une meuf? Je sais plus, et du coup elle m'a dit ah bah je suis trop content, en plus elle est dédicacée. Je dis bah oui bah merde, parce que du coup c'est qui? C'est pas quelqu'un connu. Plus. Non, c'est pas quelqu'un de connu. Non, c'est une dédicace que j'avais. Avec une anecdote que j'ai racontée dans le Floodcast où c'était un DVD. Un DVD. Oui, vous, est-ce que j'ai mis un CD moi dans la boîte à livres une fois. Ah ouais, ouais. De... Bah, ça part hein. Un CD qu'on m'a offert. Un truc, j'ai même pas de quoi lire un CD. Non mais c'est quelqu'un que je connaissais même pas qui m'avait offert un CD et j'ai même pas de quoi lire un CD chez moi. Ouais. Ah, en fait, tu peux aller écouter sur Spotify le truc, enfin un album, enfin c'est pas Maxence. Déjà, je préfère bien. Sur CD, je l'ai gardé. C'est vrai que t'as tous les gens qui vont se dire. Bah alors attends, c'est pas McFly et Carlito. Non mais c'est pas cette personne. Mais ouais. Du coup, je l'ai mis. Je me dis bah il y a peut-être quelqu'un que ça va bien sûr. Et il est parti donc. Mais en plus, moi je trouve ça vachement bien parce que enfin ça va plaire à quelqu'un qui est encore plus intéressé de l'avoir que moi, parce que moi c'est juste parce que je connais la personne que tu me l'envoies. Ah mais moi en plus, si quelqu'un le prend, c'est que vraiment il aime bien quoi, donc c'est cool, tu vois. Tu vas taper sur son téléphone. Après, des fois, tu prends parce que c'est gratuit. Hein. Moi, je vais dans des boîtes à livres. J'ai envie de trouver un truc, mais c'est... tout est nul, alors je prends rien. Mais j'ai envie d'y aller. Moi, ça me dégoûte un peu. D'avoir ton petit cadeau de gratuit. Ça te dégoûte ? Je sais pas, des vieux bouquins qui doivent être, je sais pas, plein de pisse. Un vieux bouquin plein de pisse, bon titre également. Mais Alex Assassin, pas ouais, ça restera ça, malheureusement. Et vous avez été, alors sans rentrer dans les détails, mais est-ce que votre éveil à la sexualité s'est fait avec des magazines ou des bouquins ou des trucs ? Léopold, par exemple ? RTL 9. Ah ouais ? Ah oui, c'est vrai. Évidemment, que RTL 9. Ouais. Évidemment, c'était pas c'est vrai, il parlait des. Non, c'était Skyrock, non ? Non, Skyrock, il parlait de cul. Ils en parlaient, mais alors, RTL 9, ouais, t'avais ça m'excitait beaucoup aussi Skyrock, mais plus RTL 9, ouais. Marc, c'est vrai que quand t'es ado, enfin. Oui, t'avais quel âge quand j'étais ado. Ouais. Comme tout le monde. Non, mais c'est vrai que Skyrock, ça, oui, ça a toujours existé. Je suis débile. Ah, à l'époque de Skyrock, oui. Ouais, bah, ouais. Si, moi, quand j'étais ado, il y avait. Enfin, j'écoutais pas, mais. Ouais, c'est ça. Et les pubs coquines sur M6. Bien sûr, mais RTL 9, c'est devenu un peu le M6 des années 90. C'est-à-dire que t'avais des films érotiques où en vrai, c'est juste. Il y avait rien quoi, ça se lèche un peu les seins. Oui, ça cachait un peu. Quand t'es ado, c'est complètement fou. Mais... Ça se lèche les seins. Ouais, ça se lèche les seins tranquillement. Tranquillement. Et les pubs, effectivement, c'était effectivement des pubs un peu coquines de appel des meufs 0664. Je dis ça au hasard, des numéros que j'ai pas retenu. De RTL 9. Ouais, mon éveil, c'était un enfant fait, du câble. Avec ça, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Ouf. Adrien Alors, ouais, la télé en noir et blanc. Ah, trop marrant. Pas du tout, une personne a dit ça. Non, des gravures, vrai, je... des dessins dans des cavernes. Minitel. Minitel un peu. Malheureusement. Non, pas moi, mais je sais que j'avais un. J'étais chez un pote. Enfin, c'est le fils d'un pote de mon père. On était en vacances chez eux. Et lui, il allait sur le Minitel à fond. Parler à des meufs qui étaient sans doute des gars payés par le service pour lui répondre quoi. Et je me souviens que moi j'étais à côté de lui mais j'étais gosse quoi. Et donc il parlait avec une meuf qui était sans doute pas une meuf et il avait dépensé un fric de dingue à parler à une meuf sur Minitel quoi. Et Minitel c'est vraiment du texte. Oui c'est ça. C'est y a rien quoi. Enfin, y a pas de photo, y a rien. Y a pas de magie ouais. Et bah bon, lui c'était un ado donc lui il était ça devait le rendre fou sans doute mais. Ouais. Moi j'étais genre un peu intrigué et pas encore assez pas ado donc j'étais c'est bon c'est rigolo. Ah j'ai une illumination là, entrevue. Ah bah mec, entrevue, entrevue bien sûr. Quelle folie. Entrevue bien sûr. C'est un magazine. Ah ouais ouais. Incroyable entrevue. Entrevue en fait il y avait ce truc fou où il y a eu une espèce de mode, c'est peut-être pas le bon mot mais les meufs connues posaient enfin quoi, soyons honnêtes parce qu'il y avait lui avant, enfin c'est depuis la nuit des temps. Il y avait même l'ex-femme de Jean-Marie Le Pen. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais. Non mais c'était des en gros entrevues, c'était des meufs que tu voyais en plus Miss France. Voilà, c'est ça, c'était des meufs de télé-réalité, il y avait Marjolaine de Greg et les millionnaires, il y avait Nabila à l'époque avant qu'elle devienne l'influenceuse. À l'époque de l'amour. Élise Lucet. Josiane Balasco. Ouais, bien sûr. Non, mais il y a eu. Enfin, c'est vrai qu'il y avait ce truc fou de tu les vois à la télé. Et mais j'ai l'impression que nous, avec Léopold, mais d'ailleurs vous aussi. Mais on est même branlette, hein. Non, c'est déjà. Et salut, mec. Bah, ça va, tranquille. Mais on est un peu la première génération télé-réalité. Et j'ai l'impression que c'était la première génération où il y avait vraiment du cul à la télé. Ah bah, plus vénère. Plus vénère. Premier. Non, mais c'est vrai. Non, mais le premier truc de télé-réalité, effectivement, comme tu dis, ils ont baisé dans la piscine. Quoi. C'est ça. Donc c'est tout de suite. Et du coup, toutes les nanas qui faisaient la télé-réalité, Loana, je me souviens de Jessica des colocataires, c'est très précis, je sais pas si certains l'auront dans les auditeurs. Enfin, il y avait à chaque fois, tu pouvais les voir en photo un peu suggestive dans entre eux. Quoi. Donc, Loana en a souffert. C'est vrai. Tu te rappelles de la sextape d'Ophélie Marie? Non. Qui est Ophélie Marie? Ah oui, si, ça. Oh putain! Tu te rappelles ça? Oh, là, ça va les masturbeurs là? pardon, excusez-moi. On dirait moi avec Google Home quoi. Oh la vache! Tu m'as sauvé un gros souvenir. Là tu m'as sauvé, parce que vraiment je suis à 7 passé pour un psychopathe. Hein. Non, si, bien sûr. Non, mais c'était aussi la mode, mais c'était un peu la même époque. La sextape de Paris Hilton, les trucs comme ça, c'était un peu la même époque. Toi, le génie? Alors moi, c'est trop bizarre. Je me souviens quand on était tout petit avec mon frère. Les Lannister, ma soeur pourra en juger. Elle regardait Desperate Housewives. Ah. Le tout début de Desperate Housewives sur l'écran de l'ordinateur. Et nous, avec mon frère, T'as branlé ton frère, ouais. J'avoue, c'est hyper bizarre de commencer comme ça. Mais là, en fait, tout le monde pense à ça. Voilà, je reparle de la télé encore. Et nous, on switch la télé. Ouais. On est tombé sur. Mais en plus, c'était. Maintenant, quand je regarde un film comme ça, en vrai, c'est juste des gens qui se trémoussent comme ça. Mais ils étaient là, oh non, non, faut pas aller pas qu'on regarde et tout. Et on... Dès que ma soeur, elle se retournait, hop, on changeait de chaîne. Mais c'était vraiment le début pour moi des trucs un peu. Mais les films. Les films où il y a des scènes de sexe. Exactement, ça, c'était ça, tu vois. C'était vraiment les... À côté des parents. Le Basic Instinct. Ouais, non, les parents qui étaient dans l'autre pièce, c'était là, oh non. Je me souviens avoir vu Basic Instinct à 12 ans, 13 ans avec mon père avec à côté. Avec ton père. Ah ouais, quelle horreur. Mais on savait pas. Oh, bah, tu vois, fait, oh, petit c'est thriller, toujours malaise. Petit thriller là. Oh mon dieu, ils ne font que baiser pendant une heure et demie. T'essayes de regarder ailleurs un peu. Ah ouais, Nip Tuck avec les parents. Nip Tuck. Nip Tuck. Putain, et. De nombreuses branlettes devant Nip Tuck évidemment. Devant, avec les parents. Ah ouais. Évidemment. Ouais, c'est ça. Tous en famille. Putain, les vidéos de Clara Morgan avec les parents, la gêne et tout. C'est pas regarder sur la télé. Putain, trop gênant quoi. Franchement, à chaque fois. Toi, Nathalie? Je pense que c'était au collège. Après les cours, on allait chez les copains et il y en a un qui a dû sortir une cassette de cul pour nous la montrer. Sympa. Et, c'est marrant ça. Donc horrible parce que du coup, tu vois ce que c'est une pénétration sur une télévision cathodique. Ah ouais, ah ouais, ouais horrible. Ouais, quelques secondes, enfin pas longtemps, mais genre on rigolait, mais moi j'étais trop mal à l'aise. Ah bah et quelques jours suite à ça. Je crois que j'avais 11 ans. Hein. J'étais en couple, j'avais un petit ami qui s'appelait Jérémy. Et on s'était retrouvés dans ma chambre et il m'avait dit « Nathalie, je crois que je suis prêt. » À 11 ans. T'as pas dit que lui, il avait 11 ans, je lui ai dit. T'as dit que toi, il avait 11 ans. Il a 20 ans quand t'es dans la même classe. Qu'il est prêt. Et du coup, j'ai dit... Et t'as dit « pas moi, bien sûr, bah, évidemment. » Ah, c'est incroyable. Non, mais c'est, par contre, c'est marrant. J'ai beaucoup entendu des anecdotes de mater des trucs de cul en groupe. Ouais. J'ai jamais fait ça, moi. Mais ah j'ai entendu ah ouais, non, des gens en parler. Ce serait trop gênant. Je me suis jamais branlé avec d'autres gens. Il y a des gens qui ont fait. Non, mais même sans te branler, regarder du porno un peu genre. Ouais, oh, c'est rigolo, regarde du porno. C'est trop gênant quoi. Je connais un mec qui m'avait dit qu'il s'était branlé à côté de son frère. Mais plein de gens m'ont dit ça. Mais plein ah ouais, ah ouais, ça, ouais, ça, non. Bah ouais. En plus, ça, c'était Valentin, c'est horrible. Aïe, aïe, aïe, aïe, ton secret. Un animal de compagnie a déclenché un incendie à Lorient. À votre avis, qu'a-t-il fait ? Un singe. Alors, c'est un oiseau, ça, c'est un oiseau à tous les coups. Non, pas un oiseau. Un chat à tous les coups. Un chat. Comment a-t-il fait ? Il a cramé sa queue ? Alors, il a mis t'es son pas loin. Il a mis son sexe, une bougie. Dans un tupperware. Une moustache. Une bougie. Non, alors il a mis une pièce. C'est lié avec il du a feu. Posé une pièce sur son chargeur. mais c'était un challenge. Okay. Non, c'était un challenge. Un challenge. Oh, je suis assez friand de ça. Un challenge. Picasso. Un challenge. Picasso. C'est Picasso. Picasso. Pikachu. Picasso. Un challenge. Un challenge et Picasso. C'est bien un chat et il a bien failli déclencher il a déclenché un début d'incendie. Mais c'est pas avec une bougie. Les plaques. Okay. Voilà ça. Il a marché sur les plaques chauffantes. Ah, le pauvre, il s'est brûlé. Oh, les coussinets. Petit chaton. Pas du tout. Non, non, je pense les que les boutons sont à côté des plaques. Les boutons sont à côté, donc il a dû appuyer dessus. Ah, d'accord. Ah, oui. Oui, oui, oui. Je crois que c'était lui qui avait brûlé et après qui avait. Ah, mais c'est ah oui, il est mort par contre, il est mort. Ah, il est carbonisé là alors qu'il est. Ah, c'est un tas de cendres. Non, j'en sais rien. Non, je sais pas. Non, je pense pas. Non, non, en fait, c'est juste, il y avait des trucs sur les plaques. Il est en tôle par contre, malheureusement. Il est en tôle. Il y avait des trucs sur les plaques qui sont restés, donc ça fait de la fumée et pas un. Quand je dis départ d'incendie, il n'y a pas eu de flamme et du coup le détecteur à incendie c'est a commencé à sonner. Oh. Donc voilà, début d'incendie. Est-ce que vous êtes déjà passé près de la mort ? Question que oh. Eh bah oui. Alors attention, c'est très large comme question. Un truc, ça peut complètement être un truc de j'aurais pu faire ça et je ne l'ai pas fait, comme moi, effectivement, par exemple, j'ai eu un accident de voiture et je m'en suis sorti. Donc est-ce que ça peut être très large ? Toi, Léopold, par exemple. Bah, je réfléchis, je crois pas. Non. Écoute, non. Une vie très. Moi, quand j'étais ado, j'étais très fade, hein. Très très fade, sans saveur. Très con. Je faisais des cours sur l'autoroute avec mon ex, on avait chacun une saxo. Et on roulait à plus de 200 la nuit. Ah oui. Incroyable. Pour arriver le premier au point de destination, c'est débile. C'est l'ex qui avait mis de la musique, enfin des oui, grosses enceintes oui, dans le coffre. En fait, il adorait la sono dans la voiture. Du coup, il avait acheté des gros caissons de basse dans le coffre et il avait un écran tactile pour le CD players. Bien sûr. Wow. Sauf qu'on n'avait pas le droit de toucher. On devait utiliser la télécommande. Voilà. Il était fou. J'adore. Non, il avait. Ah, si, moi j'aime. Et il est là aujourd'hui, c'est ça. Ah. La jeunesse de Nathalie, à chaque fois qu'elle m'en parle, je veux une série Netflix sur, sur ces histoires. Les courses de Saxo avec un gars qui télécommande. Ah, tu touches pas l'interface. C'est vraiment des persos de Romain Gavras. Enfin, j'ai vraiment envie de voir ce qui se passe. Donc des courses sur l'autoroute quand même. Oui, mais genre la nuit. Quand même très la nuit quand il y avait personne. Mais, mais ça, t'avais la quel âge? 18 ans. Et t'as fait la police à quel âge? Bah 21. Ah ouais, donc c'est, ça va. C'est bah, ça t'as goûté, qui t'as goûté j'avais au crime. Besoin, j'avais besoin d'être cadré. C'est ça. T'as goûté au crime et tu t'es dit non, c'est bon, c'est derrière moi. T'es Batman en fait. La un petit peu. Le crime est derrière moi. C'est ça. Adrien? Non. Je sais pas. Moi, je sais que je faisais un road trip aux États-Unis et j'étais sur une route genre dans le désert. Et donc, il y a vraiment. Tu croises personne, quoi. Et donc, je roulais un peu vite. Et à un moment, j'ai pris un virage. Et clairement, j'ai pris le virage. Enfin, j'allais trop vite, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai vraiment dérapé dans le virage. Genre... Et à ce moment-là, il y avait une voiture qui arrivait en face. Oh la vache. Et donc, bon, il s'est rien passé. Ouais. Mais ah oui, tu me rassures. Non, il s'est rien passé. Mais ça me. Encore aujourd'hui, j'ai des, vraiment des flashs de ça. Ça me terrifie de me dire. En plus, je me souviens. Que c'est vraiment une famille dedans, quoi. J'ai dit, genre, oh là là, genre ouais, quelle horreur. C'était horrible. En tout cas, ça m'a horrible. Calmé vraiment, de genre, fais attention, quoi. Ouais, t'as arrêté les courses en saxo. J'ai arrêté tout de suite. Non, non, mais bah, j'avais mais mal géré. Moi, du coup, moi, j'avais fait 3 tonneaux en Paris. Oui, bah, c'est pas un concours, non, putain. Non, non, mais qui sont partis en dérapage. Ma question, moi, c'est l'espèce de. Comment dire, d'adrénaline de je perds le contrôle. Est-ce que tu l'as encore quand tu conduis une voiture de temps en temps? Je le recherche maintenant, chaque jour. Non, mais est-ce que tu l'as parfois encore sur un virage que tu prends un peu vite? La peur, tu veux dire? Ouais, c'est vraiment de la peur, mais tu sais, c'est un. Oula! Oui, si, c'est de la peur, c'est complètement de la peur. Non, en fait, moi j'ai un truc par contre, c'est que conduire, ça me terrifie. Genre, à en avoir des flashs d'accidents. Bon, ah après, ouais. Je suis. Voilà, non, mais c'est santé mentale qui est pas au top. Ouais. Mais, mais après, une fois que je suis au volant, j'adore. D'accord. Mais je suis un peu terrifié à l'idée de conduire. Genre, je peux vraiment avoir des pensées de. Ouais. De genre, je blesse quelqu'un avec ma voiture et tout. Mais quand je suis au volant, pas du tout. Tout va bien. Ouais, moi je sais que je mets la musique un peu pour penser à autre chose que la route. Non, que les accidents, ouais. Effectivement. Pour pas avoir le stress et tout. Ouais. Mais moi j'ai eu de la chance de la voiture avec laquelle j'ai eu mon accident. C'est celle qui fait que je suis avec vous aujourd'hui. C'est vraiment la voiture à tout prix, quoi. Mais vraiment, le gars, enfin, les flics nous ont dit vous avez eu de la chance. Marie aussi. Hein? Marie à tout prix, c'est vrai. Faut le dire. Non, ça raison. Quand les flics te disent ça, généralement, c'est que t'es passé vraiment ouais, très ouais, près. Et les flics, ils vérifient pas le permis de conduire à ce moment-là. Ce qui était fou, j'avais trouvé. Ou même l'alcoolémie. Ils avaient pas fait de test d'alcool. Ah ouais, enfin, j'avais évidemment pas bu parce que je bois pas d'alcool. Mais j'avais été surpris qu'après l'accident, ils ont quand même un peu un truc de. Bon, rentrez chez vous. Jamais, ils l'ont jamais fait. Non. Ah, mais t'es rentré, t'as même pas été à l'hôpital et tout. Ah, bah non, j'ai eu de la chance. Je peux même te dire un truc. Le casier, rien. Non, si la voiture t'appartient, rien. Top, quoi. Enfin, si tu vois qu'il y a des flics, tu provoques un accident, ils te relâchent. Pourtant, j'ai percuté un gosse, ce qui est fou, quoi. T'es rentré comment? Du coup, non, mais par exemple, ce qui est fou, c'était l'été. En fait, c'était. Comment dire, la vitre a pété sur les côtés. Tu m'étonnes. Et la meuf qui était sur le siège passager a senti l'herbe, en fait c'était une route de Bourgogne. Ah oui, il y avait Bourgogne. Quelqu'un avec toi. On putain. Était quatre dans la voiture. Oh là là là là là, tu n'es pas Sam. Non, mais j'avais pas vu. Mais non, mais tu conduis. Je me souviens du. Non, mais alors je vais vous expliquer l'accident. Mais il me semble que j'avais déjà dit dans un podcast. Mais tu l'as déjà dit, mais on a déjà tout dit maintenant. Ouais, ça y est, ça fait 6 ans. Et tu radotes. On le fait pour l'oseille maintenant. En gros, il pleut. C'est une route de Bourgogne, une nationale, et il pleuvait. Et en gros, il n'y a pas de barrière sur les côtés, quoi. Et donc je roule et je vois une voiture en face arriver. Un peu au milieu. Et à ce moment-là, j'ai 2 mois de permis. Hein. Ça fait vraiment pas longtemps que j'ai mon permis. Et donc, je me mets sur le côté en me disant, mais merde, je vais me la prendre. Elle est vraiment au milieu. Voilà. Et la voiture, du coup, la mienne, a commencé à. Les roues ont commencé à patiner sur l'herbe mouillée. Et le cul de la voiture est parti sur la droite. Et donc, là, à ce moment-là, j'ai eu un mauvais réflexe. J'ai voulu me mettre sur la route. Mais du coup, elle est partie en tête à queue. Ouais. Sur l'herbe mouillée. Et elle a fait 3 tonneaux. Et en fait, elle a fait le premier tonneau sur la route. Et les 2 autres tonneaux dans l'herbe. Mais en fait, on a eu de la chance de vous parce qu'il y avait donc pas de barrière, ce qui fait que du coup on a roulé dans l'herbe, enfin tu vois, on a fini dans un pré et du coup la voiture a tout pris à notre place. Et la roue est dans le pré. Hein? La roue était dans le pré. Et les vitres sur les côtés ont pété et je me souviens que la meuf qui était à côté de moi m'avait dit qu'elle avait senti l'herbe au moment du tonneau. Ah ouais. Caresser sa joue. Ouais. Non, mais tout doucement. Un petit retour à la nature, ouais, sympa. Elle a fait, bah tu sais quoi, je suis content d'avoir eu cet accident. Non, elle m'en a un peu voulu. Et je me souviens du stress de le retournage. C'est, la voiture se stagne. Et là, tu te retournes pour dire comment vont les gens pour sur checker les gens sur le siège arrière. C'est destination finale. Beaucoup quoi. De horrible. Chance. Y avait personne n'a été blessé. Wow. J'ai eu un peu de verre dans la main. là non. Ici. C'est mieux qu'un poil, hein. Oh. Non, mais ça méritait pas mieux. Et voilà, donc c'était, je vous arrête, voilà, c'était mon accident de voiture. Et depuis, c'est rien cool. Du tout. Ouais, ouais. Bah, et on touche du et bois. Et on touche du bois. Ah, c'est pas du bois, c'est pas du bois. Moi, j'ai fait un truc inconscient. J'ai peut-être failli mourir, je m'en rappelle pas. C'était Gérald 2, non. C'était... Oh t'es passé à ça, t'es passé vraiment à ça. J'étais à l'île Maurice, je faisais un stage dans une boîte de nuit, figurez-vous. Oh, autant vous dire. Non, mais. Non, mais pardon. Non, mais. Désolé. Autant vous dire que c'était pas vraiment un stage, finalement. Oui. Je faisais rien du tout. Bon, tu prenais de la coke. Et... C'est à peu près ça. Colère. Et il se trouve que. Il y avait un ami avec moi dans cette boîte qui était rond comme une queue de pelle. Bien sûr. Et j'adore cette expression. On vivait pendant 3 mois dans une petite bicoque, très sympatoche. Et je devais le ramener. Parce que fallait bien qu'on rentre chez nous. Et donc j'ai fait le SAM, sauf que j'avais pas le permis, donc. Et j'étais bourré. Ah, oui. Non, j'avais pas bu, mais j'ai appris à conduire à ce moment-là. Et t'avais même pas fait de conduite accompagnée, rien. Non, mais j'ai déjà conduit sur un parking. Là, le parking pas avec de l'attaque. Mon père, parce que mon père était absent, donc j'ai pas appris avec lui. Mais j'ai appris. Non, mais j'ai appris avec des potes, quoi. Tu vois, sur un parking de Leclerc. Ouais, sur GTA, voilà. Par exemple. Oh. Tu sais qu'il paraît que les gens qui jouent à GTA étaient de meilleurs conducteurs. J'avais vu. Ah, bah c'est vrai. Les traîneaux, les trucs. Mais ça, je pense que c'est faux. C'est impossible. Parce que moi, il y avait un. J'étais tombé sur un connard. De mec d'auto-école. Et il est là ce soir. Non, non, mais. Parce qu'en gros, le mec, il fait le. On fait la première session de conduite. Donc, c'est lui qui fait les pédales, tout ce qui est compliqué. Moi, je tiens juste le volant. Ah oui. Donc, ça se passe bien. On rentre à l'auto-école, il dit ah, un très bon débutant et tout. Donc, moi, je suis oh, putain, trop bien, stylé, je suis fort et tout. Ouais. Le lendemain. Il ne m'explique rien du tout sur genre les pédales et tout. Et il fait allez, je lâche tout, c'est à toi, en plein Paris. Et donc moi je cale. Et il fait ah, je retire ce que j'ai dit. Donc grosse merde. Ah ouais. D'ailleurs j'ai dû refaire toutes mes heures de conduite avec lui parce que ça ne servait à rien tout ce que j'ai fait avec lui. Et il m'a rien appris. Mais il m'a dit ah oh là j'ai un jeune là franchement comme du premier coup il savait conduire parfaitement, je pense qu'il doit jouer aux jeux vidéo parce que et moi dans ma tête je me disais bah non pauvre con, son père lui a appris à conduire, il te l'a pas dit parce qu'il a pas le droit. C'est pas les... moi j'y joue aux jeux vidéo et je sais pas conduire, c'est genre tu joues à GTA tu dis alors l'embrayage putain génial. N'importe quoi putain. J'avoue. L'embrayage qu'est ça vraiment, c'était le truc la merde. Le plus dur. Juste ouais, pourquoi pas de tout le monde automatique. Venez tous en automatique. Mais moi, oui. Des fois je loue des voitures, alors j'ai un certain niveau de vie. Oui. Hein. Mais c'est rare qu'il y ait les vitesses maintenant. En vrai, c'est ouais. Mais plus moi, en plus rare. Plus du tout. Tu ouais, tu je suis richissime. Des... Okay, bah, pardon, en vrai, c'est. Ouais. Il y a toujours des manuels quand bah, tu veux franchement, une voiture. Je prends pas les trucs les plus. Ouais, si, je suis bien richissime. Sûr, mais ton bien van, sûr. Et Manuel. Bah, t'es oui. Papa aussi. Jeannot et Manuel. Jeannot. Non, et automatique, pardon. Ah oui. Excuse-moi. Jeannot n'est pas un truc extrêmement cher. Non mais c'est plus cher que la version oui, manuelle. C'est cher, mais je veux dire c'est quand même une voiture accessible. Sur moi, je t'en supplie. Non, j'ai dans, le haut, c'est dans le haut du tableau des prix les automatiques dans les trucs de location. Bon, en tout cas, je quand j'ai garantis. Commencé à conduire ça, j'ai failli me tuer 3 fois aussi puisque du coup j'avais le réflexe d'embrayer. Bah oui, tu te prends sur l'automatique et du coup piler comme ah un ouais. Énorme porc. Bah oui, tu sais, c'est un réflexe. Tu ralentis, tu passes en première, tu. Oui, parce que t'as beaucoup conduit en manuel. Moi j'ai beaucoup conduit. Bah, tu sais, quand ouais. Tu viens de province, t'apprends à conduire tu m'étonnes. À 16 ans, quand tu fais la conduite accompagnée, t'es direct quoi. La tu picoles c'est beaucoup aussi caler, quand tu viens de province. T'essayes ouais. De te caler la jambe derrière le cou. Ouais, elle bougera pas. C'est vrai, non, mais c'est une bonne technique. Très bon conseil. Et moi qui vais passer le permis cette année, vous me conseillez de le passer en auto ? Non, passe-le en manuel parce manuel, que si jamais t'es amené à devoir conduire une manuelle. Je ferai en auto. T'es comédien. Imagine demain, t'es pris sur un film. Et tu dois conduire une voiture manuelle. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Et bim ah ouais un peu chiant. Et je suis un peu en stress à chaque fois. Après, c'était conduire, genre c'était avancer et s'arrêter, tu vois. Mais comme j'ai pas trop l'habitude du coup maintenant de conduire et des manuels, j'étais genre j'espère que je vais y arriver. Bon, évidemment que j'ai réussi, mais. Ah putain, c'est un bon argument ça. Mais c'est vrai que ça peut arriver quoi. Bah, okay. Tu vois. C'est fou parce qu'on a tous failli mourir à cause d'une voiture. Ah quand même, toi aussi ouais. Bah moi je la conduisais pas, c'était un vieux monsieur qui la conduisait, c'était une voiture déjà. Sans permis qui se mettait dans le village avec plein de bonbons dans le coffre. Je te jure. Ah non mais c'est. Et, non, mais là, et tous les enfants, on était quoi, 5-6, on allait chercher les bonbons dans le coffre et on était en mode oh trop bien les bonbons et tout. Sauf que les parents ils ont appris ça après, ils ont dit ouais il y a un monsieur, il a des bonbons dans le coffre et tout. Et après du coup les parents sont venus. Et ils ont dit, vous dégagez avec vos voitures. Nous, on comprenait pas. On était, attends, il a des bonbons, il le dégage. En fait, on aurait tous pu se faire. Et il n'y a pas le fin mot de cette histoire. Bah, donc en fait, le lendemain, il n'était plus là. Donc je pense que les parents ont. Ça se trouve, c'était juste un pauvre glacier qui vendait des petites glaces. Oui. Alors, une voiture sans permis blanche, gros monsieur avec un long manteau. Un imperméable. Il est gros, donc c'est un pédophile. Non, mais. C'est juste ça. C'est bon. Non, mais. Une voiture sans permis, tu peux sauter en marche et tu es un ouais, indemne. Ouais, mais nous, on enfin, avait pas peur. Hein. Ouais, c'est une tondeuse avec un couvercle, c'est un peu moins. Donc nous, on voyait que juste les bonbons. Quoi. Mais c'est incroyable que vous n'aurez jamais le fin mot de l'histoire. Donc mais vous je ne saurez jamais à mes si parents. C'est un mec adorable ou un pédophile. Ouais, c'est là, je te redemanderai à mes parents. J'ai plus peur. Chers amis, nous allons passer aux questions que les auditeurs vous ont posées. Parce que j'ai annoncé à tout le monde que vous étiez là. D'accord. Ils ont des questions. D'ailleurs, on ne fait plus les questions vocales, c'était bien. Ouais. Oh. Mais c'est, alors c'est beaucoup de prépa. Ah ouais, mais, tu m'étonnes. Mais du coup, mais non, mais on le refera sur certains trucs. Mais je suis d'accord, c'était bien. Mais il y avait aussi beaucoup de déchets, donc faut trier. Ouais. C'est ça qui. Ouais, c'est Black Mirror. Allez, salut. Mais la fiction va rattraper la réalité, je pense. À un moment. Ah ouais, c'est certain. C'est certain. Bah Léopold, tiens, est-ce que tu vas faire plus de courts métrages comme La Balle Molle que j'ai adoré. Comment est-ce que tu choisis le moment où tu vas faire des courts métrages plus sérieux ou des sketchs? Bah c'est le feeling. Ouais. Non, en vrai, ça coûte un peu cher et puis c'est vrai que c'est pas ce qui amuse le plus les gens sur YouTube, donc j'en fais un par an. Et généralement. Ah, tu t'es mis une petite règle de. Non. Fais des TikTok. Non, mais c'est juste que je suis plus inspiré par l'humour, genre les trucs qui font rire. Ouais. Et c'est vrai que généralement, je sais pas, ouais, à la fin de l'été, bah, j'ai sorti Dilui, puis après l'année d'après, La Balle Molle, bah ouais, j'en fais un par an. T'as le spleen l'été, j'ai l'impression un peu. Bah ouais, je pense que c'est un peu ça, ouais. J'ai le cœur grenadine, ouais. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, bien sûr. Ouais, donc il y en aura un autre cette année qui sera plus long parce que j'ai envie de m'essayer un truc de 20 minutes. Trop bien. Pour changer un peu, ouais. J'ai l'impression que. Alors, moi, je suis un vieux monsieur. J'ai arrêté YouTube il y a bien longtemps. Mais j'ai l'impression que là, les gens sont beaucoup plus ouverts sur les formats longs maintenant. Et c'est même plutôt l'inverse. Quand c'est court, ça les saoule. Ou est-ce que je suis complètement fou? Sur YouTube, hein, je parle. Non, moi, les formats courts marchent mieux. Ah ouais, ouais. C'est marrant, bah, tu vois. Je suis complètement dingue. Mais tu vois, les situations impossibles, ça me cartonne. Contrairement à La Balle Molle. Ouais. Mais c'est normal, en vrai. Cela dit, situation impossible, c'est efficace. C'était de Noël. Ceux d'avant avaient cartonné aussi. Enfin, je comprends. Ouais. Tu veux dire, c'est génial? Non, je veux dire, tu sors sur un truc qui a marché. Non, j'ai beaucoup. Je te l'ai dit, je t'ai envoyé un message. Oui, mais c'est bon, je suis pas là pour gratter des compliments. Ouais, tu le fais mais t'aimes bien. J'ai adoré. Et moi, j'ai adoré la traversée qui a bidé, alors que c'était génial. Ah ouais, je pense que tu l'as sorti. T'aurais dû le sortir. Bah, après bidé, non, je t'emmerde. Mais c'est toi qui m'avais dit ça. Non, mais ouais, mais si. Tu t'es dégoûté. Non, mais en fait, à chaque fois, les vidéos au début, tu sais, YouTube te dit ah, ça a moins bien marché, mais en fait, ça fait le même nombre de vues que. D'accord. Ça a fait 400 000, donc c'est pas mal. Ça va, ouais. Oui, c'est pas négligeable. Ouais, bien sûr. Non, mais j'avais adoré ce sketch. Question pour Natou. J'ai découvert avec du retard la série audio Sarah sur Spotify et j'ai vraiment adoré. Y a-t-il une suite de prévues ou alors, si ce n'est pas pour Sarah, comptes-tu te réessayer à la fiction? En podcast. T'as sorti des podcasts déjà, on oui, peut le dire aussi. Il y a sur Deezer les histoires chiantes pour dormir. Voilà. Donc tout est dans le titre. Si vous n'arrivez pas à dormir, il suffit d'écouter ça. C'est des histoires vraiment très très chiantes. des vraies histoires, ces histoires. Bah, c'est des vraies histoires, mais il se passe que des trucs farfelus dedans. Tel, je sais pas, il y a une histoire dans un sous-marin avec Elon Musk, enfin bref. D'accord. C'est absurde quoi, c'est rigolo. C'est ton petit univers. Oui. Non, Sarah, j'avais adoré, mais je sais pas s'il y a une suite. Ça racontait quoi, Sarah, pour les gens qui ont peut-être pas jeté une oreille? C'était avec Virginie Fia? Oui, c'est ça. Bien sûr. C'est quand même dingue, c'est fou, c'est trop bien. Ouais, c'était trop cool. En fait, c'est un personnage, donc moi, qui se retrouve à travailler dans un énorme bureau. Où les gens donc ont par exemple des Alexa et tout ça, bah, on en parlait tout à l'heure. Ah, bah, Alexa en fait c'est des gens qui se trouvent dans ce bureau qui répondent aux questions des gens c'est les gens posent. Donc du coup moi j'étais spécialisée oiseau, toutes les questions alors à base d'oiseaux. T'en as tué un. Oui, c'est vrai. tout est relié, c'est fou. Et le concept était plutôt cool. Voilà, mais je sais pas s'il y a une suite à ça. D'accord. Bon, en tout cas, c'est sur. Pour le coup, non, Sarah, c'est Spotify. C'est partout. Spotify, non, c'est Spotify, c'est super. Ouais. Spotify. Et. Allez, un chèque. Et Deezer, les histoires chiantes. Génial. Elle est sur tous les trucs d'écoute. C'est fou, hein. Elle est partout, Nathalie. J'adore parler. Jenny. Les paroliers du monde à l'envers ont souvent été volés sur les réseaux, Facebook, TikTok, et présentés comme des originaux et non des parodies. À savoir que parfois on croyait que vos personnages étaient des vraies personnes. Faites-vous quelque chose pour empêcher les gens de croire à vos vidéos en dehors de votre chaîne YouTube ou laissez-vous couler? Non, non, on est des merdes par rapport à ça. Et tu sais que moi, à part un vieux commentaire en mode, c'est un peu nous. En parlant de sketch, sur toi, tu vas sur TikTok parce que moi, j'y vais du coup maintenant, vu que je. Regarde, il s'est fait ennemi sur les réseaux sociaux. Non, non, c'était pour dire que je suis seul. Que j'ai 9h40 d'utilisation de mon téléphone par jour. Dont 5h30 sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et non, il y a un sketch. Du SNL, je crois, parce que c'est avec le frère de James Franco et Pete Davidson. Okay. Mm. Et ça commence exactement comme le sketch La Corde de Hakim Omiri. Ah ouais? C'est. Comment il s'appelle le frère de James Franco? Dave Franco. Dave Franco, voilà. Il va dans un magasin, il dit ouais, j'ai besoin d'une corde et tout. Il a l'air tout triste et le mec il lui dit ah bah c'est ça. Après ça, ça change et tout. Ouais. Mais c'est vraiment. Au début j'ai fait oh putain, je suis tombé là-dessus, j'ai fait putain, c'est pas possible. Ça a été génial. Et okay. Après, un sketch qui s'appelle. Non, La Corde il s'appelle. Non, je crois que c'était la boutique. Le suicide. Non. Non, non, non, justement. Bah non. Bah non. Le suicide, mais en fait il va pas du tout se suicider. Non, non, mais c'est vraiment le. C'est le début du sketch, donc ça spoil rien. Brico machin. Non, je peux vous tout aider. Tout doit disparaître. Je peux vous aider. Ah bon. Tout doit disparaître. Je peux vous aider. Ah non, oui, c'était la mais fin. Mais c'est un très bon titre. Je peux vous aider d'ailleurs. Oui. Super. Ah oui, ça titre. Marche bien. Ouais, ça marche dans tous les sens. Et bah ouais, franchement, j'ai. On me l'a même envoyé en disant putain, ça te rappelle pas un truc et tout machin. Bon, en vrai, après la suite du sketch. Très bon sketch d'ailleurs. Sympa. Je le dis. Moi, j'ai rien à voir avec et je vous le dis, c'était un super sketch. Je peux vous voilà. N'hésitez pas à le regarder. Bah ouais, t'as droit. Et Jenny, est-ce que vous allez refaire Pas du très tout. Peu. Autant que Groom. Les droits d'auteur de Groom. 8 centimes encore là, récemment. Là. C'est terrible. Les droits d'auteur de Groom sont une blague. C'est horrible. Comprends pas. Moi, je pense qu'on s'est fait arnaquer par quelqu'un. On s'est fait voler de l'argent par je ne sais qui. Non, non, mais en gros, les droits d'auteur de Groom, c'est vraiment des sommes minuscules. C'est ridicule, voilà. Mais c'est 20 centimes, c'est-à-dire que c'est même pas des vraies sommes. Regardez, c'est gratuit. Mais c'est le tourner la nuit comme Jenny avec la télé là. qu'on se fasse un petit 30 balles. Facile. Je pense même pas. Hein, bah non, vrai, malheureusement. Non. Ouais, Jenny, est-ce que vous allez refaire un Prime Monde à l'envers? Alors, on aimerait bien. On aimerait bien, sauf que la première fois qu'on a fait le Prime, on a eu en fait les mêmes moyens que nos vidéos à nous. Et alors que quand on a fait le Prime. Certain. Aïe. Coupez-moi ce micro. Donc du coup, ce que je disais. Non mais par contre, c'est vrai que tu soulignes un truc fou, c'est que nous, on veut aller à la télé parce qu'on se dit, allez, la thune. Et la télé, elle dit, bah venez chez nous. Apparemment, ça coûte rien ce que vous faites. Bah, bien sûr. Mais que ouais, oui, mais c'est on ça. Disait, mais attends, on va avoir des studios de facilement, on va pouvoir faire sur des plateaux télé, on va faire Ziva, ça se passe pas comme ça. Rien, on a rien eu de plus que nos vidéos à part un manque de temps. Tu peux raconter 50 minutes inside? Parce que je sais plus, je crois, c'est pas si dans le Fricasse ou dans la vie. Que Vintam l'a raconté sur le fait qu'en fait vous tourniez, mais il y avait des gens, des enfants qui étaient venus pour visiter les plateaux pendant qu'ils tournaient. Ah ouais. Du coup, ils ont tous demandé des photos et tout. Et je me souviens d'un enfant qui a fait tomber un des comment t'appelles ça, un poste audio là. Et il s'est fait engueuler par le mec du studio. Oh, qu'est-ce que tu touches toi et tout. Et c'était tellement malaise parce qu'ils étaient en train Nico, de prendre d'ailleurs, des photos. Et c'était Nico d'ailleurs qui l'a tabassé. Rappelons que Nico c'est très fort à la baston. Donc c'est un peu impressionnant de tourner là-dessus, d'avoir piétiné le sol de Nikos quoi. Bah bien sûr, bien sûr. J'adore ça quand j'ai Inside. C'est vraiment mon émission que je regarde. J'adore cette émission. Je la trouve super. Attends, ça passe le dimanche? Le samedi. Le samedi. J'ai jamais vu, je pense. Mais tu sais, c'est un peu des trucs people et tout. Enfin, j'adore, ça me rappelle exclusif à l'époque. Non mais il y a des trucs genre sur le mariage de Will Smith qui s'est pas bien passé. Est-ce que tu peux nous faire la musique du générique? Led Zeppelin, c'est Led Zeppelin. Oui, c'est Immigrant Song. Mais par contre, il y a un truc qui marche jamais. Vous regardez sur Twitter ou pas du tout? Je suis tout seul dans mon temps. Je viens de dire que non. Ouais, mais l'invité qui est là tout le long. C'est horrible à chaque fois. C'est malaise. C'est pas quoi dire. Vraiment. Et Nikos, il l'aide pas trop. Donc, par exemple, il y a un truc sur le mariage de Will Smith. Il fait alors, il y a le mariage de Will Smith. Bah, Kev Adams, Will Smith, vous aimez bien? Bah, ouais, c'est un super acteur. Eh ben, on regarde ça tout de suite. Et c'est jamais c'est vraiment. On sait pas ce qu'il fout là. Rien. Ils ont pas de place pour leur promo. C'est atroce. Mais j'adore ça, 50 Minutes Inside. C'est une très bonne émission. Une question. Pour Adrien, quoi? Est-ce que si on te le proposait, tu serais ok pour faire des dessins dans des journaux ou dans des magazines? Mais il a dit non sans savoir. Ouais, faut voir. Enfin, je rappelle que c'était mon métier oui, avant, oui, bien sûr. Et que je vais pas je pense faire que là ça on est plus sur, la question tourne plus vers des trucs alors peut-être pas d'actualité comme plan cul, mais des trucs un petit peu oui genre le New Yorker par exemple, s'il m'appelle le New Yorker je suis vas, ouais. Ah, je sais pas parce que non, j'ai pas mal de trucs à faire ouais. Non, là, j'ai un live Twitch à faire. Non bah ouais carrément. Ouais. Mais c'est vraiment bizarre, enfin moi il y a un truc, enfin, c'était vraiment mon métier d'être illustrateur et dessinateur de BD. Et bon, c'est très précaire et j'avais pas beaucoup de travail malheureusement. Mais quand j'ai commencé Golden Moustache, ça s'est arrêté. Enfin, pourtant les gens non mais c'est pas que j'ai abandonné, c'est que j'ai plus de proposition de taf. Mmh. Ouais. Mais c'est une coïncidence sans doute parce que genre les gens savaient pas. Il y a eu vraiment la rupture a été nette. Genre j'ai changé de métier et c'est dommage. Ce serait mais bien. Reviens, là tu reviens un petit peu. Et partout, tu reviens-y. Ouais, un petit goût d'heure, bien sûr. Non, mais ouais, après, c'est plus sur des projets perso tout ça, mais c'est vrai qu'on m'appelle pas. Bon, après, là, maintenant, c'est établi que c'est plus mon métier, mais effectivement, du coup, on me propose pas. Après, l'almanach du Floodcast, là, ouais. On propose de la BD. De la BD, on me dit si vous voulez faire une BD, on est intéressé. Alors, j'ai dit seulement si je peux mettre une disquette à la BD. Puis vous êtes barbapapa, vous êtes barbapapa, c'est ça. C'est vrai qu'avec Nato, on a mis plusieurs disquettes à la BD. Une bonne disquette à la BD. Oh merde. Question pour Léopold, mais c'est marrant, je trouve qu'elle marche un peu avec tout le monde autour de la table. Parce que Léopold, apparemment, dans une émission, tu racontais avoir quitté ton travail pour vivre uniquement de tes projets et de ta chaîne. Ma question, combien de temps d'hésitation as-tu eu avant de prendre ton courage et lâcher un boulot stable? Et penses-tu maintenant que tu aurais pu le faire bien avant ou au contraire c'était trop tôt? Et c'est marrant parce que c'est vrai que c'est des trucs qu'on enfin, je reçois souvent moi des questions sur mais comment vous avez fait pour quitter votre taf machin et tout, à quel moment tu prends à quel moment tu stresses et tout. Je t'avoue que est-ce que tu peux dire le taf que tu faisais avant? T'étais à Village Webs. Je travaillais en tant que rédacteur web pour Village Webs. Donc les gens connaissent d'habitude Village Web, c'est le club à Cannes tous les ans. Mais c'était un site internet et la ligne édito, c'était la nuit. Ouais. Donc on parlait des cocktails, on parlait des festivals. J'ai mis trop de balles. De musique. Quel fou quand même. Mais quoi? T'allais tester les trucs comme des journalistes? La trottinette. Bah ouais, non, mais j'étais pas journaliste, mais j'étais rédacteur quoi. T'étais un peu Mister Cocktail, c'était toi. C'est ça. J'allais en soirée parfois pour faire des chroniques. Bah, tu faisais des do and don't, genre sur les looks des gens et tout. Ah, genre, ça c'est no way. Tu disais des trucs Paris comme ça. Paris dernière. Pas. Oui. Non, je faisais pas ça. Et j'ai. Un petit peu. Tu es Big Bédé, tu es Big Bédé. L'équivalent. Je faisais des photos et tout ça. Et bref, j'ai quitté. Bah, je t'avoue que c'est la France, David et Raph, McFly et Carito ont pas mal aidé en vrai. Ouais. Oui. Je faisais des vines, je faisais des trucs. Et t'étais, c'est vrai que j'adorais tes vines. Le lab de Golden Moustache à l'époque aussi. Oui, mais t'avais bon. Pas quitté encore. Chouette, mais j'en faisais très peu parce que j'étais pris avec Village Webs et puis je voulais mon CDI parce que j'étais en CDD et puis je voulais gagner ma vie quoi. Ouais. Et puis je t'avoue que quand j'ai rencontré les gars, je me suis dit ça marche très très bien vu qu'ils m'ont mis en avant comme un porc. Et donc du coup je gagne ma vie maintenant un peu plus qu'avec Village Webs, donc j'ai lâché Village Webs et oui, et j'ai toi t'as eu cette petite comment dirais-je aide qui c'est une non, énorme mais je parle pas forcément de Macri Kaito, mais en tout cas t'avais cette sécurité de dire en fait si je lâche mon taf j'ai un taf où il a le confort de plus mieux rémunéré même, ou au moins autant rémunéré. Oui, oui. Ce qui est le vrai stress, c'est de se dire je quitte un taf. De toute façon, dans ma tête, moi, c'était si il faut que je gagne plus, même si c'est 10 euros de plus, mais avec YouTube. Je trouve que c'est un bon starter aussi de se dire je lâche pas encore, si on en a la possibilité, je lâche pas encore le truc alimentaire. Tant que ça me rentre, non. Ça, tu vois. Surtout qu'en plus, je gagnais vraiment pas grand chose avec Village Webs, donc du coup, 4500. Mais t'avais des cocktails gratos, donc ça c'était quand même. C'est vrai, c'est t'avais vrai. Tes entrées au bain. Et aussi les petits bâtons lumineux là. À volonté. Et tu pouvais faire des super photos de trous de balles à Cannes avec des costards. Pour lire dans les lignes. Non, mais j'ai interviewé plein de gens, c'était assez formateur. Trois noms, s'il te plaît. Yel. C'était ma première interview, elle. Adorable, elle m'a mis bien à l'aise. J'ai fait Joey Star. Ok. Voilà. Ouais. Il t'a mis bien à l'aise aussi. Ah ouais, c'était top. L'interview a duré 5 minutes, je crois. Je l'ai vite saoulé. Et puis qui d'autre? J'ai fait. je sais pas. T'as tout oublié. Un ventre. Ouais, un ventre. Donnez-moi un nom de ventre pour les auditeurs. Du jardin. Ouais, ouais, Jean du jardin. Fais-nous très sympa. Un peu, mais... Nathalie, toi, est-ce que tu. Non, mais j'ai pas de nom, alors j'en ai fait vraiment une vingtaine. Nathalie, toi, tu as aussi fait ce truc-là. Quand t'as commencé, tu faisais les deux métiers. Tu gardais ton métier d'avant et tu faisais ton métier de YouTubers. Bah moi, c'est un changement de profession assez naturel, de gardien de la paix à youtubeuse. Ouais, ça va très bien avec. Schéma classique. Voilà, classique. Plan. Non, mais du coup, oui, j'avais cette sécurité de pouvoir prendre une année de mise à disposition, ça s'appelle. Donc, tu travailles pas pendant un an, tu testes ton truc, si ça marche pas, tu reviens. Mettre des amendes. Mais heureusement, ça a très bien marché. Oui, donc tu t'es mis une deadline en fait. Tu t'es dit, t'as un an pour que ça fonctionne. J'avais même 2 ans parce que tu pouvais le relancer après. D'accord. Bon, avec nos impôts. Ah bah non, voilà. Je t'ai pas payé, mec. Et Nathalie, ça a marché au bout de combien de temps, toi? Je pense 2 ans. Deux ans. En plus, ça a commencé à marcher au moment où je me suis dit, bon, bah ça marchera jamais quoi. Et c'était avec quoi? Une vidéo en particulier? Peut-être les gens sales. Le bon podcast. Je me souviens de l'avoir regardé à l'époque. Bah, bien sûr. Et moi, j'en avais vu chez 10 minutes à perdre à l'époque. Ouais. Ils en avaient partagé les premières quasiment. Mais au début, c'était tous ceux qui commentent en mode venez voir ma chaîne et tout. Je faisais ça au début, quoi. Ouais. J'étais sur leur page Facebook et je disais regardez ma nouvelle vidéo, elle est super drôle. Personne ne lira ce commentaire, mais. N'allez surtout pas voir cette vidéo. J'ai retrouvé, moi, sur la. En gros, il y a un truc. Un peu horrible d'ailleurs sur les chaînes YouTube, tu peux cliquer sur un pseudo qui a laissé un commentaire et tu peux voir tous les commentaires qu'il a laissé sur ta chaîne. Et j'ai vu les commentaires du monde à l'envers sur Godot Moustache. Non mais plutôt. Ça crie. Plutôt. Alors c'est pas moi. Alors il y a un truc que je sais pas trop faire, c'est gérer les réseaux sociaux. Val, il est très fort là-dessus et bien heureusement que le. Ça veut rien dire. Mais genre Twitter et tout, c'est lui qui gère tout. Moi je suis une quiche. Donc Valentin, je lui ai envoyé un message, je te jure. Non, mais du coup, c'est trop mignon parce qu'il le faisait. Je me souviens qu'il le faisait souvent. Ouais, et donc, mais c'est trop mignon parce que il est trop fort et genre 3 ans après, il tournait avec dans un sketch. Valentin, il est très fort pour ça. Hein. Il lâche pas l'affaire. Hein. Il allait voir des gens. Je te jure qu'on va tourner avec cette personne, Jenny. Et c'est comme ça qu'on a connu Timothée Hochet, c'est horrible. Ah ouais. Il l'a suivi. Il l'a appelé et harcelé d'appel. Petit conseil qu'on peut donner aux gens. Regardez maintenant où on en est. Et puis après, vous avez eu Daniel Auteuil aussi quand même. Ouais, là on l'a pas harcelé par contre. Ça s'est fait comment, Daniel? C'est lui qui est venu à vous. On l'a kidnappé et on l'a. Non, c'est Valentin qui l'a croisé au concert de Big Flo et Oli, je crois. Il n'y a pas son fils. Pardon, c'est dingue, c'est un faux dingue. Daniel Auteuil était au concert de Big Flo et Oli. Oui, parce que ses enfants adorent. Ah, d'accord. Oui, voilà. Et ses enfants aimaient aussi ce que vous faisiez. Oui. Oui, voilà, ça s'est fait comme ça. Et du coup, c'est comme ça qu'il a connu. C'est comme ça qu'il a connu. Mais c'est rigolo parce que les enfants d'eux, c'est ce qui fait souvent que t'as les gens. Ouais, c'est toujours que, ça. Par exemple, le Palmacho, ils ont rencontré Dupontel parce que les enfants de Dupontel kiffaient le Palmacho. Et après, il y a la rencontre, il faut que ça se passe bien. Ouais. Mais ça marche comme ça. Moi, j'avais Vincent Cassel qui était venu me voir avec sa fille. Mais après, il s'est rien passé avec lui. Hein. J'ai pris un selfie, c'est tout. J'ai une question. Est-ce que quand vous avez écrit la vanne sur Daniel Auteuil que vous prenez pour François Cluzet, est-ce que vous saviez qu'il avait refusé Intouchable? Non. C'est fou, on ça, quand même. On savait pas, il nous l'a dit pendant... En pleurant. Et ben non, il regrette pas, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il regrette pas. Bah, c'est la même année où il avait refusé Intouchable et Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, et Avengers. Oui. Ça, c'est fou. Il devait faire Hawkeye. Je vais faire la fille du Pusatier. Non, mais il est super, c'est un super monsieur, j'adore. Et toi, est-ce qu'à un moment... Enfin, tu faisais quoi, d'ailleurs, Jenny, avant de faire Le Monde à l'envers? J'étais pionne. Je sais pas si on. Ouais. Assistante d'éducation dans un collège. Ah ouais, ouais. Et j'étais dans le même collège que Valentin. Donc, d'accord. Imaginez bien comment c'était. Les deux leur ont foire. On commençait déjà un petit peu à être reconnu. Déjà, coup, les collégiens là. Ouais. C'était pas évident de se faire respecter. Oui, l'autorité, ça respecter. Doit être bizarre. Oh là là. Et toi, d'où tu me dis ça alors que t'es Katia, wesh. Alors je vais bien, je vais manger ma mère. Ouais. D'accord, et donc au bout d'un moment. C'est quoi le sketch où tu t'es dit, ok, vas-y, on fait ça on... Enfin, est-ce que c'est d'ailleurs aussi précis que ça? Est-ce qu'il y a. Il n'y a pas de sketch précis, mais. Alors je pense que c'est. Ah merde, pardon. T'enlèves le merde, s'il te plaît. SOS, ma famille est en détresse. Ah oui, bien sûr. Le premier. Mais en plus, il y avait pas mal de gens qu'on adorait qui avaient dit c'est trop cool et tout. Jérôme, Niel, qui avait qui avait partagé et tout. On était trop contents. Nous, on adorait Jérôme sans le connaître. Oui, c'est vrai qu'on va, on va vous lâcher maintenant. Ça fait quand même bientôt deux heures. On va quand même juste dire les recommandations culturelles. Jenny. Alors, moi, en ce moment, je regarde sur Netflix une série qui s'appelle. Je sais plus. Ah bah cool. Top ça. Je sais plus du tout. Ça raconte quoi? C'est terrible. C'est la série sur le jeu League of Legends. Ah oui, Arcane. Ah oui, oui. C'est fou. Arcane. C'est Arcane. Incroyable. Arcane, ok. C'est très alors, est-ce que tu Kenny Arcana. Connais le jeu ou pas du tout? Je connaissais pas le jeu. Okay. Et c'est bien quand même quand on connaît pas le jeu? Bah oui. Ok. C'est... Bah oui. Bah c'est sa recommandation. Non, je la recommande, mais alors c'est nul. Et bah, c'est vraiment incroyable ça pour le coup. C'est vraiment fou. Ah ouais. C'est mon copain qui m'a dit de regarder ça parce que c'est un geek. Non mais oui, c'est super. En tout cas, je vous conseille tous de regarder si vous avez le temps. Et toi, t'es de base animé toi un peu ou pas? Parce que moi, je suis pas du tout animé. Donc du coup, est-ce que je vais aimer? Bah je sais pas parce que en fait, j'en ai pas beaucoup regardé. Ah ouais, donc tu m'aides donc, pas je vraiment. Je pense ouais. que bah je pense qu'en fait si je le suis mais sans le savoir. Okay. Oui, en fait, tu t'es jamais intéressé non. alors qu'en fait quand on regarde tu kiffes. Je pense que maintenant je vais m'intéresser plus à ça ouais. que plutôt Pokémon, qu'à la télé plutôt qu'à Nagui. Adieu Nagui. T'as été avec moi. Natou En lecture Gérald bien sûr. Bien sûr. Le 2. Non sinon bah là je suis en train de redécouvrir tous les Marvel parce qu'en fait j'en avais dû voir deux ou trois et je me disais ah c'est vraiment toujours les mêmes films, t'as le méchant qui se fait tabasser par le gentil. Et en fait j'ai des potes qui étaient chez moi dans ma maison de campagne, on s'était passé un week-end et on avait regardé les Avengers, celui qui se suit là, le 1 et le 2, je retiens jamais les noms par contre hein. Infinity War et Endgame. Et j'ai adoré. Mais t'as vu la fin. Et en fait depuis les vacances de Noël je me les fais tous dans l'ordre chronologique donc je suis Marvel à fond. Donc tu remontes, en plus c'est fou parce que t'as vu Endgame avant ceux d'avant. Donc mais là je regarde trucs... dans le bon ordre. Oui, ah voilà. Oui. Et c'est trop bien, tout est relié. T'aurais dû voir tous les épisodes. T'avais compris Infinity. Le Tesseract, la pierre de l'espace. Et du coup t'as été voir Spider-Man aussi. Mais bien sûr. Et les séries aussi. Et bah alors a, en fait il y a vraiment des sites où il oui, y a tout t'as l'ordre, plus ouais. les what if. Donc je regarde By Night. C'est trop bien de tout regarder dans l'ordre. Ah oui, j'ai pas du tout vu les what if. Agent Carter, faut s'accrocher quand même. Ah, c'est relou, Agent Carter. Ah, ouais, ouais. Mais je suis obligée de regarder parce que c'est dans l'ordre, c'est dans l'ordre logique. WandaVision, c'est vachement bien. Et là aussi, il fallait s'accrocher un petit peu. Ah, génial, WandaVision. Moi, au début, je me disais, oh là là, c'est quoi ce truc. Et après, quand ça c'est ça, commence quand à tu twister, comprends. Tu fais, oh non ouais, génial. Faut tenir un peu, dedans, mais dedans. Et au final, après coup, l'audace de ce début est kiffant. Ouais, tu dis, ah ouais, ils ont complètement. Et puis, c'est comme un bonbon, c'est mérité quoi. Le début est un peu chiant. Un bonbon, c'est mérité comme faut aller jusqu'à la voiture sans permis. Exactement. Là, tu te régales bien. Et du coup, mes préférés pour le moment, bah, du coup, c'est Spider-Man et Captain Marvel. Ah, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est incroyable. J'étais complètement passée à côté de ça et elle est bah, elle transperce des avions et des vaisseaux avec bah, son c'est corps. C'est la plus forte en fait. C'est la plus forte. Et oui, oui. Et c'est la plus forte. Moi, je veux être elle. Je comprends. Et quand on était petit, quand je choisissais le perso, moi, je suis elle. Ah, moi, je suis elle. J'ai dit d'abord. Léopold. Moi en ce moment j'écoute ma musique via Spotify. Ouais, Spotify, ouais, c'est vachement sympa. Non, j'aimerais, ouais. Mais casser mon rythme. Bah, j'ai pas eu le temps de la niquer. Donc là, c'est ma pire émission, je crois. Hein. Non, non. Ah, c'est mon pire podcast. Non, il y en a d'autres qui sont pires. Je voudrais recommander une chaîne Twitch. Ben un garçon qui était à mon anniversaire mes 30 ans où vous étiez là qui s'appelle Flonflon Musique et qui mais fait mais oui, vous le connaissez mais bien sûr je connais. Et ben je trouve qu'il y a pas assez de gens qui le connaissent assez. C'est vrai. Et donc il fait des lives sur la musique quasiment attends, tous mais les il est matins super sympa en plus. Ouais, tu lui as on parlé, lui à mon parlé avec Mélo, on l'a adoré. Ouais, bah voilà. il est c'est un amour. Et voilà. C'est pour ça que je le mets en avant ici même. Ouais. C'est parce qu'il fait des bons lives. Donc moi je me réveille très souvent avec lui. Je mets du Twitch et en fond, un peu comme Nagui, tu vois. C'est mon Nagui à moi. Et, ouais. Et donc il parle de l'actu musicale. il fait des playlists collaboratives. Plein de choses. Le vendredi autour matin. De la musique, en tout cas. Vendredi matin, ils écoutent ensemble les nouveautés. D'accord. Et donc plein de choses. Voilà, je vous conseille Flonflon Musique. Sur très Twitch. Bien, voilà. Très flonflon ou fonflon? Flonflon, comme un flonflon. F-L-O-N. Oh, oh, oh mais toi! C'est la pile. F. Oui, c'est le moment de la pile. F-L-O-N. Musique, flonflon. Comme une musique. Musique. Ah, que tout le monde veut chanter. Bah ouais, ou ouais, que sais-je. J'ai rematé des vieilles images de Star Academy. beaucoup de violence masculine envers les femmes. Ah ouais. On a oublié. Ah, ouais. Ah putain, Georges Alain et Houssine menaçaient de tabasser des meufs. Ah ouais, ah ouais, c'était bah, Flonflon le vendredi soir, il regarde Starac, c'est ah bah, ouais. Popstar et tout bah, ça. Mais voilà. c'est trop bien. Mais où est-ce qu'il trouve ces émissions? En fait, il y en a beaucoup sur YouTube. Il les télécharge. Et, ouais, ou des gens, des trucs collaboratifs. Non, je sais pas. Oui, je crois qu'il télécharge. Je pense que c'est pas illégal, de toute façon, c'est disponible. Non, mais oui, il y a des groupes de fans qui les partagent. Oui, c'est ça. Adrien Méniel. Alors moi j'ai découvert un podcast qui en exclut sur Spotify. Attends, c'est Spotify ça, ouais, je connais. Ils ont des belles exclus hein, quand même. C'est un podcast qui s'appelle Crime Show. Et donc ça parle du crime, mais au sens vraiment large du terme. C'est-à-dire c'est pas un truc de serial killer, machin, etc. Et c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Ça peut parler aussi bien de une fusillade dans une classe, et genre ça parle d'une personne qui a vécu ça et qui a un peu après s'est reconnecté avec les gens qui avaient vécu le drame pour enfin tu vois de un truc très intime tu vois là-dessus, et aussi bien que une meuf qui son métier c'était chanteuse, mais en gros il y a des chanteuses qui sont et chanteurs qui sont payés juste pour enregistrer une maquette pour une chanson. Ah. En fait c'est une meuf qui s'est rendu compte que sa voix a été utilisée dans une chanson mais genre ultra connue. Ah oui. Mais genre trois fois dans sa vie quoi. C'est-à-dire que la meuf trois fois dans sa vie elle a entendu un bah genre Everybody Dance Now. Ah, c'est sa voix quoi. Ah oui. Et genre elle était allée, ils lui ont dit bah vas-y on te file un billet, tu viens, c'est juste pour faire une voix témoin. Et en fait ils ont gardé sa voix. Et genre la meuf ça lui est arrivé trois fois dans sa vie et mais c'est, non, c'est la fou peau. Quoi. Pauvre, jamais 203. Bon après ça raconte justement les procès qu'elle a fait. Et, bien sûr. Bon ah, oh, je veux pas trop. Ah non, c'est incroyable. Pas trop. C'est vachement bien le podcast. Ça dure combien de temps? Je crois que c'est assez court en plus, c'est genre 30 minutes. Mais c'est bien ça. Voilà, faut être bilingue. Oui, assez en anglais, oui, effectivement. Alors. Et du coup, un truc, bon, c'est pas du tout nouveau, mais moi je me remate Futurama en ce moment. Oh, quel bonheur. C'est sur Disney Plus. Je vois dans tes stories. Ouais. Génial. C'est sur Disney Plus et c'est trop bien de regarder. C'est un bijou. Non, mais en ce moment, je trouve qu'il y a un côté hyper. Enfin, non seulement c'est drôle, mais je sais pas, il y a un côté rassurant en plus d'être dans le futur. Et ça se passe bien. Pas tellement. Plus ou moins bien, mais il y a un côté, ouais, enfin, ça. Ça te sort un peu de l'époque du coup. Ouais. Je pense que ça doit jouer, j'imagine. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper drôle puis hyper touchant aussi parfois. Et si vous avez jamais vu ou si vous voulez revoir et que vous avez ça, Disney Plus, c'est bah, let's go. Et vous pourrez regarder Marvel en même temps. Et voilà, exactement. Il y a trop de trucs. C'est extrêmement. Il y a des épisodes bouleversants de Futurama. Il y a des trucs, celui avec le chien, Jurassic Park. C'est le plus connu. Bark, ouais. Ouais, il est. Et c'est un des plus connus. Même mais... l'épisode avec le frère de Fry et tout. Oui, celui où il fait de la flûte, pas de la flûte, mais de la. Ah oui, du holo. Voilà, celui-là est fou aussi. Ah là là. Bah, il est vachement dans mon montage. Et c'est très très drôle parce qu'il y a aussi un personnage que j'adore qui est Zap Brannigan, qui est vraiment un perso très très très, bah, très ouais, drôle. Ouais, ouais, et incroyable. Tout est drôle. Tout est bien. Moi, je ris. Vraiment, je ris à haute voix comme un fou seul dans mon appartement. Et toi, Flo? Eh ben écoutez, moi je vous conseille, j'allais dire Licorice Pizza, mais tout le monde le conseille, incroyable. Mais voilà, c'est au cinéma, c'est Paul Thomas Anderson, c'est vachement bien. Et c'est... Ah, c'est Paul Thomas Anderson? Bien sûr. Bah, je savais pas, tu et vois. C'est avec le fils de. Sting Hoffman. Non, Philippe Seymour Hoffman, que tu adores. Bah, je vais pleurer, tout simplement. Bah, oui, oui. Oui, un peu. Franchement, mais... c'est parce qu'en plus, c'est vraiment son rep jeune. Oh là là, quelle horreur. Bon, c'est bref, dingue la ressemblance. Mais c'est vraiment un super film. Et c'est le moment parfait d'aller le voir parce qu'il fait froid fait dehors. Et là, il y a du Los Angeles des 70s, feel good. Il est piratable ou pas? T'es chiant. Non, en plus, au ciné, c'est trop bien. Je lui envoie, je lui envoie 10 balles. Ouais, voilà. C'est vrai que. On devrait pouvoir faire ça, quoi. Oui, j'ai pas envie d'aller au cinéma. Oui, bah, c'est de la VOD. Faut attendre un petit peu. Oui, voilà, faut attendre. Moi, je dois le faire maintenant. Et ben alors justement, je vous conseille un film dispo maintenant qui est sur Prime Video qui s'appelle Cop Shop. Alors beaucoup moins connu, mais qui est un film que j'ai adoré. Alors qui est pas un chef, vous attendez pas du tout. Un c'est ultra violent. C'est pas ultra violent. C'est violent un peu. C'est un peu violent. C'est de Joe Carnahan, qui est réalisateur et scénariste que j'adore, qui avait fait le film Mise à Prix, qui était vachement bien, qui avait fait Narc avec Ray Liotta. Enfin bref, et un film incroyable qui s'appelle Le Territoire des Loups. Voilà des petits titres comme ça, des films que j'adore, comme ça vous regardez. Avec Liam Neeson, ouais. Bien sûr. Il a fait le remake de l'Agence Touriste aussi, qui était pas si mal. J'oublie les noms. Non. Avec l'autre là qui a joué dans l'autre film. Ah, celui qui grimpe le grillage lentement. Là. Ouais. Ouais. Cop Shop, en tout cas, c'est un petit film, presque un huis clos. C'est le pitch de départ, c'est un criminel qui veut se faire arrêter absolument, donc il tabasse une flic au hasard pour être mis en prison. Et en gros, s'il veut se mettre en prison, c'est parce qu'il est poursuivi par des gens. Par des méchants. Par des méchants. Et donc, du coup, vu qu'il est poursuivi par des méchants, la grosse moula, il y a tous les gens qui veulent le retrouver, qui veulent entrer dans le commissariat. Voilà. Donc, oh. C'est vachement. Ah, c'est un. Un peu comme Asso de Carpenter à l'époque. Mais c'est, mmh. C'est pas du tout comique. C'est... Alors, il y a des vannes. Si, c'est comique. Si, il y a des vannes. Parce que c'est Joe Carnahan. Non, mais c'est sérieux à la base. C'est un film sérieux avec des vannes. Ouais. Oui, oui, oui. C'est pas une comédie. Non. C'est un film. Policier, même si c'est un terme un peu de merde, mais c'est un film d'action. Oui, voilà, c'est un peu un film d'action. Mais les personnages sont hauts en couleur. C'est pour ça, c'est vraiment, si vous avez vu Mise à Prix, c'est vraiment le même genre de délire. C'est récent, enfin, c'est très récent. Il l'a fait cette année, c'est avec Gerard Butler. On dirait vraiment un pitch de film d'action des années 90. C'est ça que j'ai adoré. C'est un film des années 90. Les persos en font des surcaisses comme des années 90. Ils sont tous des méchants de Van Damme. Et mais voilà, mais j'ai adoré et je vous invite vraiment à le regarder. C'est très très cool. C'est sur Prime Video et c'est vachement bien. Moi, tu l'as mis dans ta petite application. Je l'ai mis dans ma petite application. Moi, je me suis re-regardé. Ah, tu l'as aussi. Bah, il me l'a conseillé. Enfin. Oh là là. Tu l'utilises? Assez peu. Bah là, je suis sur Marvel, alors. Ça marche. T'as dit quoi? Moi, je me suis rematé Thunder Road. Non, quel chef. Que j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois. J'étais un peu passé à côté. Ouais. Jim Cummings. C'est voilà. Dispo où ça? Thunder Road. Nulle part. Celui-là, il est dur. Pas si tu peux, mais faut le louer. Je l'ai en DVD, cela dit, quoi. Je pourrais te le donner. Je pourrais te le prêter. Ah, donner, t'as dit donner, toi. T'as voulu reprendre ses volets. Ah, t'es Captain Marvel. Non, mais c'est. Ouais, c'est vraiment un très très bon film. C'est incroyable. Et lui, il a refait un film là qui est sorti, mais mais que j'ai pas vu le machin test. The hashtag. Et Jim Cummings, qui est un super mec, enfin super mec, j'en sais rien, mais en tout cas qui est un bon artiste, qui fait tous les trucs très de façon très indépendante. Bah déjà, lui, il a écrit, réalisé et il est le personnage principal de Thunder Road. Ouais. Et il a fait de la musique pour le film. Enfin bon, c'est une sorte de tout seul, génie créatif. C'est un couteau suisse, ce mec. Pas faire. C'est un couteau suisse, absolument. Non, mais genre Thunder Road, le budget est très petit, quoi. Il a coûté $200,000. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, c'est rien. C'est la fin de cette émission. Dernier tour de table pour l'actualité de chacun. Jenny. On a l'envers qui continue sur la chaîne YouTube. Vous en avez d'avance là ou pas encore? Non, on est complètement sous l'eau. Ouais. Valentin était malade. On aurait dû tourner aujourd'hui. Ah oui, mais il y a eu un petit. Mais il y a eu un petit désagrément. Lié à l'époque. Voilà. Donc là, vous allez reprendre. Oui, on va reprendre. Il y a des choses décrites, c'est ça que je voulais dire. Oui. Ok. Il y a des choses écrites. Il y a des choses qu'on a envie de faire. Génial. Bon, pas trop bien. Ouais. Et s'il te plaît, Philippe Echebest, viens avec nous. Oui. Ah, vous l'avez déjà contacté ou pas? On a essayé. Et on pense que c'est mort. D'accord, ok. Donc n'espérez pas, comme ça peut-être qu'il sera là et peut-être. Voilà. Sûrement pas. Il sera pas là. Léopold? Bah, YouTube. Hein. YouTube. Léopold. Tu es en train de tourner un prochain sketch là bientôt, j'ai vu. Ouais, mais du coup. Le podcast sort avant. Bien sûr, bien avant. Ouais, ouais, donc il va arriver. Mais pareil, c'est un petit peu dans l'actu. Je parodie un truc qui est sorti il y a pas très longtemps. Parodie le Covid, le mec. Au cinéma. Ouais. Nathalie, j'ai sorti un TikTok hier. Oui, tu as bien repris. Je trouve que tu as repris le rythme de ta chaîne YouTube aussi, quand même. Oui. Bah oui. Non, mais il y a un truc que j'avais déjà parlé la dernière fois. C'était le clip avec Bon Entendeur et mon beau-père qui chante. Mais ça y est, on a tourné le clip. Génial. Ah, ouais. Bien. Et je pense que ça sortira, je sais pas moi, fin du mois ou début février. Génial, trop. Super. Bien. Adrien? Eh bien, moi. T'as changé de voix déjà? Ouais, déjà. J'ai trop changé. Bien. Non, il y a toujours la petite histoire de France. Bien sûr. Je sais pas dans quel épisode. T'es un je Gaulois. Je comprends rien. T'es un Gaulois. Je ne sais pas dans quel épisode je suis, donc me demandez pas. Genre, regardez au hasard et peut-être il y a moi. Tu boutes les Romains hors de France. C'est ça. Sinon, il y a l'épisode du podcast Humeurs humoristiques qui est sorti avec moi où il m'interview pendant 3h20. Si vous voulez m'écouter parler quel pendant 3h20. C'est plus long que Titanic. C'est vrai. Mais c'est aussi dramatique. Non, parce que c'est un podcast très complet. Moi, je l'ai fait aussi. Et je crois que ça doit être un petit peu moins longtemps, mais même délire. Il revient sur vraiment tout ce que tu as fait. Ah oui, d'accord. C'est normal que ce soit long. Et en plus, il met très à l'aise. Donc en fait, même pas compte que ça fait 4 heures que tu parles. Mais du coup, même 3 heures, c'est pas beaucoup. Si tu parles de tout ce que tu as fait. C'est ça. Et non, mais c'est vachement bien. Il est très sympa en tout cas. J'ai pas entendu écouter encore ton épisode, mais je sais que ce mec-là est très doué en tout cas. C'est quoi ton actu, toi? J'ai décroché le plus beau des rôles. Celui qui t'a parlé. Ah, je te déteste. J'ai vu qu'il y avait aucune peluche, du coup je me suis permise d'en apporter une. Tu on verras. On a un petit problème de peluche. Y en a-t-il une ou deux issues de la pop culture? Je vous laisse deviner. Une peluche licorne. Oh, oh, trop mignon. Et un cadeau pour la maman surtout. Oui, bah c'est surtout elle. Personne pense à la maman. C'est vrai ça. Alors, c'est bon les cadeaux. De plus en plus quand même. De plus en plus. Parce qu'on en parle. Mais parce que heureusement parce qu'on en parle, parce que c'est vrai que c'est une catastrophe. Nous on a eu beaucoup de chance parce que dans la maternité. Grâce au Covid, personne vient de voir. Et nous, c'était un truc qu'on voulait. On voulait que personne, nous, on déprimait le truc où, les parents viennent le lendemain alors qu'ils sont en train de crever. Dans tous les bras. Et puis surtout, enfin, pour les mamans, c'est horrible. Elles n'existent plus, quoi. C'est-à-dire que t'as passé 9 mois et d'un coup, le truc sort. Et quand les gens viennent, c'est que le bébé, quoi. Donc, oui, moi, je lui ai offert des fleurs 50 balles. C'est vrai que tu lui as offert des fleurs et c'était adorable. Moi, j'ai offert un foulard Dior. Oh, mais c'est alors c'est un concours, c'est ça. Bien plus proche qu'elle. Alors que je suis son compagnon et père de sa fille. Je n'ai acheté pas un foulard. Tu pourras le coûter si tu veux. Non voilà ça. Non mais sinon il y a quoi d'autre avec Adrien sur le Floodcast là. On travaille sur un truc là qui va C'est qu'on peut pas encore annoncer. Mais qui est quelque chose, voilà, qui a été du merch, c'est énorme. Un nouveau hoodies. Non. Non, mais alors c'est marrant que t'en parles. Oui, je parce sais que pas moi j'ai jamais reçu mes. Alors ça, alors, les gens, c'est les... parti. C'est parti un peu tard pour les amis. Ça, on est. On passe en dernier. Ça, c'est odieux. Après, c'est gratos, donc. En fait, notre public passe avant vous. En fait, excusez-nous, les gens connus. Mais en gros, il y a déjà remercier les gens d'avoir acheté en masse. Franchement, là, on reçoit plein de stories. C'est trop cool, des bonnets, des hoodies, des t-shirts. Et franchement, à chaque fois que j'envoie un, j'essaie de répondre. Tout le temps, mais j'essaie de répondre. Ouais. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir soutenu l'émission, parce que c'est une façon de soutenir l'émission aussi, en prenant ces vêtements, ce merch. Et j'espère que d'ailleurs que ça vous plaît. Là, on a de la qualité, nous on l'aime bien. En tout cas, on espère que c'est le cas de vous aussi. Oui, l'argent permettra d'acheter des micros qui sont déjà existants. des meilleurs casques surtout. Ça, par contre, je suis d'accord. Et une table peut-être plus basse. Mais je suis déçu que vous le portiez pas là, comme un petit uniforme. Oui, qu'on mettrait à chaque fois. C'était obligé. La tenue complète. Non, mais voilà, merci beaucoup pour ça. Et là, avec Adrien et d'autres gens, on travaille sur un autre truc dont on parle depuis longtemps. C'est énorme. Et on espère que ça va le faire. On espère que vous serez au rendez-vous. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Et on se dit à très bientôt. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.